Les âmes mortes, tome 2, chant 20. Misères et grandeurs de Tchitchikov, ses opinions au sein de la fortune. Il y avait un mois et plus que Tchitchikov n'avait joui des 7 heures de sommeil par jour qui sont indispensables à la santé de l'homme. Et dans ces derniers temps, le repos des nuits semblait l'avoir tout à fait abandonné. Le mouvement doux et moelleux du traînage lui fut très favorable, car, étendu commodément dans sa calèche, il dormit là 4 heures tout d'une même haleine. Il se réveilla à la fin par un éternuement magistral semblable à une détonation d'espingole, et suivi d'un mouchement de la plus pure sonorité. Et la commotion qui accompagna ce double éclat fut une double épreuve de plus pour les admirables ressorts de la vieille calèche. Un chien rompit sa chaîne. Un coq ergoté comme un aigle lâcha prise et donna à sa nombreuse famille l'exemple d'une fuite effarée. Deux paysans coururent dans leur clos, voir qui pouvait tirer ainsi près des habitations. Une femme, tremblante comme la feuille et bouche béante, laissa choir sur le seuil de l'étable une grande jatte de lait caillé. Mais Selifan et Petrouchka, qui ne se méprirent point sur la nature innocente du phénomène, se précipitèrent tout droit à la couche de leur maître. Tchitchikov, dès qu'il put se rendre compte des choses, apprit que les chevaux avaient dû souffler et se refaire, et que les gens eux-mêmes, après avoir trôné sur le siège de la calèche près de 15 heures d'horloge, avaient profité de ce repos forcé pour se restaurer un peu dans une atmosphère d'hommes, de choux, de lait et de pain chaud. Notre héros entra dans la chambre de l'auberge rustique et y dévora à lui tout seul tout un tiers d'un beau coulébec, de 6 à 8 livres pesants, que ces braves gens avaient préparé pour une noce de village. Puis, les chevaux ayant été remis à la voiture, il paya la dépense, reprit sa place et se remit en route, après s'être parfaitement renseigné sur la situation du domaine d'un nommé Dobryakov, qui, 5 jours avant l'emprisonnement de Tchitchikov, avait reçu de lui en dépôt 3 caisses fort lourdes et à qui il avait promis d'aller consacrer, de bonne et franche amitié, une semaine entière de plein loisir. Il trouva le manoir de Dobryakov et les caisses qui l'attendaient, mais non Dobryakov lui-même, qui était absent. L'oncle de ce gentilhomme, vieillard plus qu'octogénaire, fit parfaitement dîner Tchitchikov et son monde, livra les caisses à la réquisition de son hôte de quelques heures, et ne le laissa partir que sur sa promesse formelle de revenir très prochainement voir son neveu. Notre héros se repentit cruellement de la précipitation avec laquelle il quitta ce toit hospitalier. Quoiqu'il eût jugé peu prudent pour le fardeau qu'il emportait, d'user plus longtemps de cette hospitalité. À peine il se fut remis en route que le jour s'obscurcit. Le vent s'éleva, d'affreuses rafales de neige tourbillonnèrent. Toute trace de route disparut. La tempête était d'autant plus redoutable qu'il s'y joignait un froid assez vif. Les voyageurs, complètement égarés, errèrent ainsi, avançant à l'aventure, avec des peines infinies, non sans de fort grands dangers, jusqu'au-delà de minuit, quand enfin, au profond désespoir qui commençait à les saisir, succéda une faible lueur d'espérance. L'ouragan perdit de sa violence, la nuit devint moins impénétrable. Ils crurent voir s'étendre devant eux une clairière entre des pétaillis, et ils avaient heureusement vent arrière. Ils louvoyèrent dans les vallées que formaient entre elles les 1000 montagnes de neige, élevées tour à tour et dévorées par la tempête. Dans un moment de halte forcée que firent les chevaux, qui étaient éreintés de fatigue, ils entendirent un aboiement de chien. Ce bruit de bon augure redonna même aux chevaux un peu de courage, et 5 minutes plus tard, ils distinguèrent au loin des lumières. C'était le repos de chasse d'un très riche seigneur qui s'y trouvait avec un nombre considérable d'amis et de voisins du premier choix. Là était réunie toute sa meute avec tous ses veneurs. Un équipage vraiment royal. On était dans la pièce principale à la fin d'un souper copieux et splendide qui se terminait par de larges libations. Ce fut à ce moment que Pavel Ivanovitch fut annoncé au prince Koutinine comme un voyageur égaré, demandant à son excellence sérénissime l'hospitalité pour la nuit. Le prince, occupé de faire promptement dresser quelques tables de jeu, ordonna que l'inconnu eût un bon feu et un bon souper d'abord, et qu'il lui fût ensuite présenté, s'il n'aimait mieux aller se coucher. Au bout d'une heure, Tchitchikov était au salon, assis à côté du prince, qui venait de gagner à un jeune gentilhomme, à la suite d'une partie de jeu, son argent, les deux terres qu'il possédait, son haras et jusqu'à son équipage, ses armes et ses chiens. Le prince voulut savoir quel était l'hôte que venait de lui envoyer la tempête. Tchitchikov posa en homme qui, las du séjour atrophiant des villes, est à la recherche d'une terre et d'une femme, voulant vivre désormais de la vie de famille et se livrer, pour le reste de ses jours, à ses goûts pour l'agriculture. Le prince lui indiqua, à 30 ou 40 kilomètres plus loin, une magnifique propriété appartenant à une demoiselle très entendue dans la régie de ses domaines et qui serait probablement charmée de faire sa connaissance et, mieux que cela, de se donner à lui avec tous ses domaines. Ensuite, il engagea Tchitchikov à ponter, s'il lui plaisait de tenter la fortune, à une table de pharaon. Mais notre héros avait, pour le moment, quelques ordres à donner à ses gens. Il se fit conduire à une petite chambre qu'on lui avait assignée, et on s'excusa poliment de ce qu'il devrait, pour s'y rendre, traverser la cuisine. En rentrant dans cette chambre, suivi de Petrouchka, il y vit ses trois caisses rangées contre la paroi, et il les regarda fixement en fronçant le sourcil. Car c'était un bien lourd fardeau à transporter avec soi dans toutes ses pérégrinations. L'idée lui vint de demander à Petrouchka s'il savait ce que c'était que cet homme au regard vif qui se tenait assis sur un escabeau près du foyer de la cuisine. « C'est, dit Petrouchka, un juif qui, dit-on, est riche à millions et que le hasard amène toujours à point là où dansent les fortunes. Prie-le de passer ici et me laisse avec lui, mais tâche de te faire prêter une balance et des poids. Et tiens-toi dans la cuisine, près de cette porte-ci. » Le juif fut introduit, la balance fut demandée. Au bout d'une demi-heure, les trois caisses embarrassantes avaient disparu de la chambre et peut-être de la maison. Tchitchikov, sans avoir ouvert sa cassette, rentra au salon, ayant le portefeuille garni de 75 beaux 1000 roubles, dont il lui prit la fantaisie de hasarder quelque chose. Il eut les meilleures chances, et la plus belle, assurément, c'est que, ayant gagné une 30 000 roubles, sans qu'on y fît seulement attention, il eut la joie de voir toute la société, accablée de fatigue, se disposer par groupes que précédaient des laquais armés de flambeaux et se retirer par toutes les portes. Il était 5 heures du matin. Tchitchikov ne dormit point. Le temps s'était tout à fait calmé, le clair de lune était superbe. Il poussa son lit vers la fenêtre, de manière à barrer la porte, et ouvrit sa cassette tout près de lui sur un large tabouret. Puis, à demi étendu sur sa couche, le couvre-pied blanc pittoresquement jeté sur ses épaules, il se mit à compter ses capitaux, qui s'élevaient à plus d'un million. Comme il achevait cette enivrante opération, il vit sous sa fenêtre se dresser un homme qui parut le regarder. Il s'élança aussitôt à son vasistas, qu'il ouvrit résolument, armé d'une pantoufle en guise de pistolet. Et son geste effraya comiquement le croquant. dans lequel Tchitchikov reconnut avec une très grande joie son cocher Sélifane. Il l'appela et lui donna l'ordre formel d'atteler et d'être entièrement prêt pour le départ dès le point du jour. Le double troïge de Tchitchikov n'aurait pas été en état de fournir 10 kilomètres en traînant la calèche avec la britchka tirée en remorque. Mais, comme la veine de bonheur n'était pas épuisée, il se trouva justement que plus de 15 robustes chevaux de poste qui remisaient sous un hangar devaient, au point du jour, partir pour regagner une maison de relais située à 19 kilomètres de là, justement dans la direction des domaines de l'opulente demoiselle à marier. Les chevaux de Tchitchikov furent attachés, chacun par son bridon, derrière la voiture, de sorte que le trajet ne fut qu'une promenade pour les pauvres bêtes. Après 3 heures de repos à l'auberge, qui se trouvait sur la limite de 2 gouvernements, ils furent attelés tout de bon, se trouvèrent en état de gagner, au petit trot, le manoir, où peut-être le bonheur attendait Tchitchikov. Notre héros, avant de franchir ce petit espace d'une quinzaine de verstes, crut devoir procéder avec le soin le plus minutieux aux détails de sa toilette. En vain, on lui avait dit qu'Apolline Merkourievna avait eu 20 prétendus, qu'elle avait tous successivement maltraités et chassés, qu'elle était orgueilleuse, fantasque, colère et souvent cruelle, qu'elle faisait éprouver à ses 2 500 âmes un sort pire que les tourments de l'enfer, et qu'elle était secondée à souhait dans cette tâche par une femme comme elle, restée fille, et que sa redoutable activité faisait paraître 100 fois plus féroce encore que sa noble maîtresse. Il voulut voir et juger par lui-même. Il se présenta, il fut accueilli, fit sa cour, plut à la demoiselle, devint amoureux de ses charmes un peu forts, se déclara, fut agréé, et on prit jour pour les noces. Grande joie parmi les paysans de la Châtelaine, qui s'imaginaient qu'un homme, enfin, allait bientôt devenir leur maître, et que ce maître était un ange du ciel, un sauveur que leur envoyait la Providence. Ô Espérance, quels abîmes de misère et de douleur ne viens-tu pas parfois embellir de quelques lueurs fugitives ? Les parents convoqués arrivèrent de tous côtés. L'un d'eux, hélas, était de la ville même d'où venait Tchitchikov. Il raconta en secret à sa cousine tout ce qu'il savait ou croyait savoir. C'était la veille même du jour indiqué pour la célébration de l'opulent Hyménée. Apolline, ayant bien entendu, surtout ce point que son prétendu avait demandé au général gouverneur, grâce de tous ses crimes, vrais ou faux, au nom de sa femme et de ses enfants, en sut assez sur le monstre. Elle l'attendit au milieu de tous les conviés, qui, n'étant prévenus de rien, n'avaient préparé que des physionomies à joyeux épanouissement. Et, au moment où Tchitchikov entra au salon et où il accourut à elle pour lui baiser la main, cette même main, à l'improviste, fit pleuvoir sur ses joues vermeilles une grêle de soufflet qui les fit passer subitement du rose au ponceau. Pendant cette exécution, elle vomit un torrent d'affreuses paroles, et elle ordonna à ses valets de chambre de mener à grands coups de nerf de bœuf ce beau monsieur jusqu'à sa calèche, qui se trouva être tout attelée et chargée pour la route. Notre héros, qui semblait toucher enfin le but même de ses travaux, l'objet innocent et louable de ses expéditions, se marier, acquérir de beaux domaines, y enrichir ses vassaux, s'y livrer aux délices de la vie champêtre, au sein d'une aimable famille née de lui, et conquérir à force de sagesse, d'ordre et de prudence, la considération et l'estime de tout le monde, devait passer encore par les mains de bien des hommes pervers. Ce fut d'abord dans celle d'un hobereau, ennemi personnel du général Betrichev, et à qui il eut le malheur de nommer ce général. Ce gentilhomme extravagant, forcené, arrivé, d'excès en excès, au comble de la démence, entraîna chez lui notre héros et le contraignit de prendre part à ces orgies suprêmes qui semblent ne pouvoir jamais être suivies que de la ruine complète et de la mort du forcené. Celui-ci força Tchitchikov, sous peine de la vie, de boire plus de vin spiritueux en 2 heures de temps qu'il n'en avait bu depuis 30 années entières. Et ensuite, il le fit assaillir de baisers par 50 hommes, et immédiatement après, par 50 femmes de son obéissance. Après cette épreuve, la plus terrible qu'il eût subie, échappé aux obsessions dangereuses de ce tyranno steppien, il alla, quelques jours après, par suite de la perte d'un de ses chevaux, tomber chez un seigneur maquignon, qui lui fit faire de force une course en télègue avec des chevaux fougueux. Et il est presque incroyable qu'il n'ait pas perdu la vie dans cette nouvelle épreuve. Plus tard, un très grand seigneur, un prince anglomane, tout infatué de haras et de sport, lui fit jouer tout un jour un rôle ridicule en le forçant à adopter une manie chevaline à laquelle son physique le rendait impropre. Toutefois, sur l'avis qu'il reçut de ce seigneur, il se rendit dans une localité voisine pour visiter un domaine qui était à vendre. Dans cette maison, un frère appartenant à la carrière diplomatique venait d'arriver de Saint-Pétersbourg pour partager à l'amiable, avec sa sœur, l'héritage d'un oncle défunt. La campagnarde, fille de 19 ans, en vraie steppienne pur sang, était plus terrible et plus féroce encore que la Pauline dont nous avons parlé. Notre héros s'enfuit de ce manoir, où les scènes violentes se succédaient entre cette amazone toujours la cravache à la main et son frère, poussé à bout et déjà prêt à perdre patience, ce qui pouvait amener quelque événement funeste dont Tchitchikov ne se souciait pas d'être témoin. Il avait reconnu, quant à la contestation, qu'il y avait identité parfaite dans le parti pris auquel s'étaient arrêtés réciproquement le diplomate et sa sœur la stépienne. Lui voulait résolument, par ruse et par subtilité, se faire la grosse part. Elle, de son côté, n'était pas moins résolue de s'imputer les 2 bons tiers de l'héritage, mais en les enlevant de haute lutte, par des éclats, des sévices et des transports de fureur. À la fin, après avoir vendu à vil prix 100 âmes mortes à un nommé Bosniakov et à quelques-uns des menus employés d'une ville de 10e rang, il fut conduit, 20 jours après, par la nécessité des affaires, dans la ville de Krasnoï, du district du même nom, du gouvernement de Boubny. Là, il s'installe dans une auberge, y commande son dîner, et, en attendant qu'on le lui serve chez lui, il se met à lire la Gazette de Moscou que le garçon venait de lui apporter. Il y lut en toutes lettres son nom, son signalement détaillé et précis, et l'ordre donné aux autorités des villes de l'arrêter et de le livrer à la justice, pour avoir acheté, engagé et vendu un nombre considérable d'âmes mortes, et avoir commis en différents gouvernements différents actes condamnés par les lois. 10 minutes après cette lecture, et sans que Séliphane eût eu le temps d'atteler et de venir prendre les effets, parut la police, précédée du Gorotnitchi, ou maire de la ville, homme d'une 50aine d'années, très expert en toutes sortes d'affaires contentieuses, sans qu'aucune université lui eût rien appris. Ce magistrat regarda Tchitchikov, son linge très fin et sa bonne mine d'homme fait. Il songea à son titre de conseiller d'État et prit intérêt à lui. Puis il regarda significativement ses subordonnés qu'il aimait. Ceux-ci se retirèrent dans le corridor et fermèrent discrètement la porte. « Écoutez, Pavel Ivanovitch, dit l'officier municipal, vous êtes arrêté à la diligence d'un employé nommé Bosniakov, qui est un bien mauvais drôle et qui veut de l'argent. Je peux lui dépêcher quelqu'un qui, pour 500 roubles, l'engagera virtuellement à se désister de sa plainte. Mais il vous a accusé de faire commerce d'âmes mortes des deux sexes et d'en avoir engagé une forte partie dans des établissements de crédit. En tout cas, pour acheter, engager ou vendre, je n'ai fait de violence à personne. Très bien. À présent, si vous avez de l'argent, dites-le-moi, je suis pour vous. Pour combien avez-vous engagé des âmes mortes à la couronne ? Pour 80 000 roubles. Il faut vite payer cela et faire dès demain le dépôt de cette somme, vous m'entendez ? Je le ferai, mais j'ai encore 1000 âmes dont je ne tirerai plus aucun parti étant aux arrêts. Laissez donc, je vous trouverai un moyen de les engager très fructueusement. Faites-moi cette grâce. Répondez-moi que vous possédez en tout 5 000 roubles en argent et que vous n'avez rien de plus au monde. Déclarez, monsieur, de quelle somme vous êtes possesseur. Je possède 5 000 roubles qui sont tout mon avoir. Remettez-moi, monsieur, ces 5 000 roubles. Les voici. Le maire, après avoir ouvert la porte. C'est bien, monsieur, ne vous effrayez pas d'une misérable intrigue. Il compte les 5 000 roubles et en fait 2 parts inégales. 5 000. Bien. Je prends et garde les 4 550 que voici et qui serviront à payer vos dépenses personnelles et les frais courants de l'affaire. La police vous en rendra compte toutes les fois que vous le désirerez. Maintenant, les 450 que voici dans le portefeuille, vous voyez, je les remets dans votre valise. Ils seront la somme trouvée à consigner à l'inventaire. Vous me comprenez, j'espère. Son Excellence, monsieur le gouverneur militaire, ordonne que vous soyez gardé, jusqu'à plus ample informé par la police. Et comme la police est dans le bas de ma maison, vous vivrez, s'il vous plaît, chez moi, avec moi et comme moi. Ce maire était un homme presque sans fortune, mais il avait de bonnes relations avec toutes les classes de la société. Quand un homme lui faisait l'effet d'être plutôt bon que méchant et qu'il pouvait lui rendre service, il y mettait de l'empressement et beaucoup d'amour-propre. Il avait surtout la passion de l'air « comme il faut ». Il eut, en cette occasion, en y employant moins de 550 roubles, le bonheur d'arranger à souhait toutes les affaires de son prisonnier, de lui faire, en outre, tirer un fort beau parti des 1000 âmes mortes qui lui étaient restées, en sauvant du même coup de la perte de sa position un brave ingénieur très compromis. Puis il se réjouit de faire épouser à Tchitchikov sa fille Marie, jeune, fraîche, docile, ignorante, il est vrai, et parfaitement insignifiante. Au demeurant, très bonne, très aimante, la meilleure sorte de femme qu'on pût souhaiter à notre héros, et que nous puissions souhaiter à la plupart de nos amis et connaissances. Un bon tiers de la noblesse du district prit part à la noce, qui dura 3 jours sans désemparer, et les nouveaux mariés se retirèrent dans un très beau et riche domaine qu'acheta Tchitchikov à 48 kilomètres de la ville, et où, pendant 10 années de satisfaction de tout genre, de repos et de vrai bonheur, il vit naître et grandir successivement 9 de ses premiers enfants. Notre héros s'occupa à loisir d'agriculture, de jardinage et même de sylviculture. Il régla avec un soin parfait ses dépenses sur ses revenus, et pour ne pas perdre un certain talent de plume qu'il possédait, il jugea à propos de recueillir ses souvenirs et les jeta sur le papier, sous forme de notes, d'où sont sorties, selon toute apparence et grâce à notre auteur, la presque totalité, ou, si l'on veut, les 19/20 de notre épopée. Dans la 11e année de cette période de bonheur sans nuages, telle qu'il est donné à fort peu d'honnêtes gens de le goûter, Pavel Ivanovitch se sentit troublé. Il était là, de tant de repos, de tant de santé, de tant de chance, de la monotonie, de l'uniformité, du calme de cette félicité. Ses notes furent abandonnées. Il ne reçut plus qu'avec distraction les caresses de sa jeune famille. Il ne sortit plus guère de l'enceinte du manoir. En errant dans sa cour, il rappela à Selifane et à Petrouchka le temps de leur pérégrination. Il tenta de réveiller, dans ces hommes épais, le désir de quelque bonne excursion à la manière d'autrefois. Mais ceux-ci, en vieillissant, s'étaient encroutés dans la vie sédentaire. Les malheureux ne le comprirent point. Il les regarda avec mépris, et s'en voulut à lui-même d'avoir adressé la parole à des brutes autrement que pour leur intimer des ordres. Le printemps venu, il signifia aux deux vieux serviteurs, sans vouloir entendre un seul mot d'objection, que le lendemain, 5 mai, à l'aurore, la calèche devait être attelée pour une absence de plusieurs mois. Il se proposait d'aller voir, peut-être, le ménage de Tentetnikov et de la belle Julienne, dont il regardait le bonheur comme ayant été son ouvrage. Il saurait, par là, si le général Betrichev était encore de ce monde. Il se flattait d'être en tout cas le bienvenu, au moins dans une partie de sa nombreuse parenté, et les circonstances avaient pu seules l'empêcher de visiter cette honorable famille, comme c'était son devoir, puisqu'il s'y était engagé. En effet, on partit. Mais à la 14e verste, à 5 de Toucharon au maréchal, deux jantes et le cercle d'une des roues de la vieille calèche se rompirent. Tchitchikov passa la nuit dans une misérable auberge de village. Le lendemain, sa présence continuelle chez l'artisan n'ayant fait que retarder le travail en donnant à ce manant l'occasion de babiller, il fallut se résoudre à passer une seconde nuit dans la prétendue auberge qui était un taudis. Et quand enfin, le surlendemain, les roues furent toutes en bon état, le maître se sentit incommodé. Selifan et Petrouchka échangèrent un coup d'œil, et, sans qu'aucune direction eût été donnée ni ordonnée, bêtes et gens reprirent d'eux-mêmes le chemin de la maison. Marie sut tout parce qu'elle évita avec soin d'interroger son mari sur ce prompt retour, et de rire de son récit lamentable. Discrétion qui fut cause que Tchitchikov, après avoir dit ce qui s'était passé, rit lui-même de son projet et de sa déconvenue. Il s'abonna alors à 7 gazettes et journaux russes, et à 3 publications périodiques étrangères, 2 françaises et 1 allemande, bien qu'il ne sût pas 100 mots français et à peine 600 mots allemands. La lecture ne fut pas longtemps de son goût. Il caressait avec plaisir ses enfants, mais jamais il ne songea à les instruire ni à les reprendre. Il pensait que l'éducation des enfants est l'affaire des femmes, et il avait donné pour aide à sa femme, pour cet objet, une vieille gouvernante suisse, à laquelle il parlait fort rarement, ne sachant trop ce qu'il pourrait avoir à lui dire. Tchitchikov en revint malgré lui à l'idée d'un voyage, d'une excursion quelconque, mais sans projet arrêté. C'est dans cette situation d'esprit qu'il passa la fin de l'automne et tout l'hiver. Mais bientôt devaient avoir lieu les élections triennales des magistrats, au chef-lieu du gouvernement, ville assez déserte, assez endormie d'ordinaire, et qu'il n'avait visitée qu'à l'époque de son mariage et à l'occasion de l'acquisition de sa terre. Il n'y avait passé que 6 jours, et continuellement dans les tribunaux. Plusieurs gentilshommes vinrent le sonder chez lui et rechercher son vote. Plusieurs magistrats sortants, qui voulaient rester en charge, ou même en obtenir de plus considérables, s'empressèrent de lui faire la cour. Le temps avançait. L'occasion était magnifique de sortir au moins pour une 20aine de jours de l'uniformité et de la monotonie d'un séjour prolongé à la campagne. Il fit avec délice ses préparatifs de voyage. Il inspecta lui-même avec soin l'état de sa plus belle voiture, recommanda à Selifan et à Petrouchka de ne pas s'enivrer pendant son absence, car il prenait avec lui son valet de chambre favori et le cocher de sa femme, homme d'une très belle carrure, parlant peu et buvant beaucoup, mais qu'on n'avait jamais vu ivre. Voici maintenant le récit des élections tel que l'a fait en 1857, en véritable historien, M. Vastchenko Zakhortchenko, probablement aussi d'après les notes que, de son aveu du reste, Tchitchikov lui-même a bien voulu communiquer à son dernier biographe. Tchitchikov, ainsi que toute la noblesse de la province, gagna le chef-lieu de gouvernement. Il descendit dans une hôtellerie, il manda vite un tailleur et lui commanda un uniforme de noblesse. Puis il dîna et alla faire une promenade au jardin public. Le soir, en regagnant son auberge, il passa devant le logement de Podgrudzev, qui était éclairé à Giorno. Il avait chez lui presque la moitié de son district. Les domestiques présentaient le thé. Il y avait, dans tout l'appartement, une senteur de citron et de rhum, du Maryland des cigarettes et du tabac turc fumé dans des pipes à longs tuyaux. Mais ce qui dominait tout, c'étaient les entretiens sur les élections qui allaient avoir lieu. Presque tous les convives de Podgrudzev étaient en joyeuse disposition d'humeur. Dans une large chaise curule placée devant la table de travail de son cabinet, siégeait Podgrudzev, homme d'un certain âge, doué d'une physionomie agréable. Aussi près de lui que possible se tenait, sur une chaise de fantaisie très légère, le juge Zajmourine. « Je désirerais entendre de votre bouche une réponse à cette question. Condescendez-vous au désir de toute la noblesse qui vous prie de rester pour 3 ans encore notre maréchal. Il est flatteur de servir avec vous, et moi, tout valétudinaire que je suis, peut-être songerai-je alors à prolonger mes fonctions de juge encore une triennalité, et même 2. Mais avec vous, et si l'on veut de moi. » « Non, Prokop Petrovitch, je vous l'ai dit, je m'en tiens là. J'ai fait mon devoir et payé mon tribut. Si la noblesse me réélit, tout ce que je pourrais faire, c'est de la remercier très cordialement. Mais je refuserai. » Puisqu'il en est ainsi, je m'en tiens là de même. Qui donc sera, après vous, un digne représentant de notre district? Adieu, Stepan Stepanovitch. Je regrette de n'avoir pu vous décider. C'est bien dur de votre part de rejeter ainsi nos prières. » Le juge Zajmourine serra la main du maréchal et gagna la rue en descendant par l'escalier intérieur. Il n'était pas sorti que Bourdakine entra dans le cabinet. « Prokop Petrovitch sort d'ici. Pour sûr, il vous aura dit qu'il a du service beaucoup plus cassé, » dit à M. Podgrudzev cet autre membre de la magistrature élective de la noblesse russe. « C'est en effet ce qu'il disait. Qu'en pensez-vous, hein ?»« Je pense qu'il ment. »« Oh ! Et c'est pour dire, car il vise au maréchalat. Lui, maréchal, figurez-vous donc avec ce gredin. » Il est ambitieux, n'est-ce pas? On peut avoir un faible, mais Zajmourine, avec cette figure, songer à représenter la noblesse, et comme juge même, qu'est-ce que c'est? Il faut dire vrai, la noblesse s'est trompée, car enfin, qu'y a-t-il de plus noble et de plus sain que de décider du sort d'autrui? On me propose cette charge, mais vraiment je n'ose accepter. C'est que j'ai tant d'affection pour notre aristocratie, que tout gentilhomme, je le sens bien, aurait avec moi toujours raison et plein droit, les petites gens toujours tort. Avec une méthode pareille, je ne tarderai pas à tomber sous le coup d'un procès criminel. Mais que faire, si je pense qu'on doit toujours être sensible à la prière d'un gentilhomme? Oui, je ferai tout pour les nobles. Vous ferez. Ainsi, vous êtes décidé. Eh, mais oui, je me porte candidat pour culbuter ce Zajmourine. Je sais que, s'il voit peu de chance à être nommé maréchal, il se cramponnera à sa charge de juge. C'est un malin. Vous êtes très lié, et voyez pourtant comme vous parlez de lui. Lié, lié, comme on peut l'être avec lui. Il voudrait me voir grain de sel et tenir une cuillerée d'eau fraîche. je n'attendrai pas mon bain. Oh ! Le maréchal et l'édile passèrent au salon où les nombreux colloques avaient généralement glissé des élections à de tout autres sujets un peu risqués. Quant aux élections, chacun gardait sa pensée. On voyait au dehors accourir des équipages qui, la plupart, entraient dans la cour. On entendait le bruit du rire et des paroles des arrivants du bas de l'escalier, puis de l'antichambre. Amazov, les Morkatinov, Tchavarine, Sosikov et Kornikine entrèrent, saluèrent l'assemblée et allèrent presser la main de Podgroudsdev, qui était paisiblement assis sur un divan, le cigare à la bouche. Amazov et les Morkatinov revenaient du dîner du gouverneur civil. « Si j'avais su, » dit Amazov en soufflant dans ses joues, « je n'aurais apporté avec moi ni vin, ni cuisinier, ni cuisine. C'est une ville très hospitalière que celle-ci. Il n'y a que 3 jours que je suis ici et j'ai pris part à 7 dîners. J'ai une peur effroyable de prendre du ventre. Pardon et grâce, Stepan Stepanitch. Demain, je dîne dans 2 maisons, et dans 5 autres, je suis invité à déjeuner. Je ne sais vraiment quand je pourrai venir chez vous. Ils me feront crever. » Voilà un monsieur qui vient aux élections pour se rassasier et s'abreuver du matin jusqu'au soir, et qui ne saurait parler que de sa grande faculté digestive, dit un petit monsieur maigre et couleur safran. Tout ce qu'on apprend de lui, c'est qu'il a mangé ici, qu'il va manger là, qu'ici il a bu, là il s'est grisé, plus loin il est invité dans sa maison. Il va maintenant souper chez cet importun de comte. Demain, dès 10 heures du matin, il doit faire honneur au déjeuner monstre du prince. Où ce monsieur-là trouve-t-il donc de la place pour loger en lui toute cette bombance ? Le plénipotentiaire d'un électeur absent, homme dont la figure rappelait celle du lièvre, comprima bruyamment une envie de rire. Et, dans sa crainte d'offenser Amazov, ou qui que ce fût, fit, à l'instant même, une mine des plus sérieuses. Il passa sur sa figure un foulard fort endommagé, fit 2 ou 3 sauts assez adroits pour gagner un coin de la salle. Là, il tourna 2 ou 3 fois sur ses talons, en s'essuyant de nouveau la figure et le tour des oreilles. Et de là, il se rendit à la grande table, couverte d'un drap vert bordé de franges d'or. Il prit en main le règlement concernant les élections. Et pour la 100e fois, il se mit en devoir d'en faire lecture à demi-voix, tout en écoutant une conversation bruyante qui avait lieu dans la pièce voisine. Podgroudsdev sortit. Il allait pour quelques minutes chez le gouverneur. Une partie de son monde resta, jurant à propos d'attendre la rentrée de son maréchal. Amazov accompagna Podgroudsdev jusqu'à la portière de sa voiture, puis il remonta au salon. D'abord, il regarda tous les visages et chuchota quelques mots à l'oreille de ses voisins, tandis qu'un des électeurs disait « Si Stepan Stepanovitch y consentait, nous voterions bien volontiers pour qu'il restât en charge. » « Eh bien, messieurs, vous n'êtes pas difficiles si vous vous accommodiez d'un pareil maréchal, » s'écria Amazov. « Comment l'entendez-vous ? Podgroudsdev est un homme actif. Voyez comme il tient la tutelle, comme il protège l'orphelin, comme il défend la veuve. Eh, c'est son premier devoir. Chacun de nous en userait de même. » Mais vous ne faites donc pas attention à un autre devoir non moins important? Quel cuisinier a-t-il? C'est honteux. Il prétend que cet homme a fait son apprentissage au club anglais de Moscou. Pour moi, je n'en crois rien. C'est tout bonnement un gars de sauce. On mange de sa cuisine, on n'est jamais rassasié. On se fatigue seulement les mâchoires. Vous savez tous que penser de ces farcis qui prennent aux dents et au palais, et qui me collent ensemble les parois de l'œsophage, de manière à me rendre complètement muet pendant tout le temps du repas. Eh, Dieu merci, les voisins s'en trouvent à merveille, dit le petit monsieur au teint safran, qui eut par ce mot un assez grand succès de rire. Les bons mots sont assez déplacés aujourd'hui. Nous sommes venus ici pour élire nos magistrats. Écoutez, je vous déclare, moi, que Meleki Tchenstov, qui arrive de l'étranger, désire lui-même être nommé maréchal. Voilà qui nous devons élire. C'est lui qui est un cuisinier, un vrai cuisinier français, messieurs. Celui-là ne vous fera pas de la cuisine d'hôtellerie. Au reste, voyez, je suis prêt à donner ma voix à Podgouzdef, mais à la condition qu'il change de cuisinier et qu'il prenne un vrai cordon bleu. Il va bien renvoyer son cuisinier pour être réélu maréchal. Allez donc. Comment ? Il ne changera pas son cuisinier lorsque la noblesse le désire. Si j'étais maréchal, je ferais tout au monde pour contenter la noblesse. Et tenez, moi, pour preuve de mon dévouement à la noblesse, je vous déclare que je fais le sacrifice de mon cuisinier et le lui donne sans indemnité, et cela pour tout le temps de son maréchalat. Vous conviendrez, j'espère, que c'est là un sacrifice. Mon cuisinier est l'âme de ma maison. Je devrais, pour ne pas mourir de faim, quitter femme, enfant, ménage, et venir de ma personne habiter chez Podgouzdef. N'importe. Je suis prêt à faire cela pour le seul bonheur de vous témoigner à tous combien je vous suis dévoué. En finissant cette tirade, il resta les bras grands ouverts et le corps courbé en avant, attendant une réponse qui n'arrivait pas. « Nous voulons prier Stepan Stepanovitch de nous rester encore pour 3 ans. »« Même sans cuisine, ni cuisinier ?»« Oh diable, le cuisinier, j'ai mon dîner prêt chez moi. »« Eh bien, messieurs, » dit Amazov, « il n'y a qu'à élire Meleki Tchenstov. »« Non !»« Et pourquoi ? Songez que Podgrouzdef nous fait manger. »« Au ballottage. »« Nous mettrons à droite » Pour Podgouzdef, dirent 3 ou 4 personnes à la fois. Il est digne de sa charge et fait honneur à notre district. Qui ça? Podgouzdef? Dit en entrant Mourzakine. Un maréchal est toujours bon et digne. Écoutez, je ne vous cacherai pas qu'on veut m'élire juge, moi qui vous parle. Vous entendez? Juge. Voilà ce qu'on peut appeler une charge considérable et sacrée. Je crains d'avoir à juger un noble. Je la quitterai, parole d'honneur, je la quitterai. Ce sera me mettre la corde au cou, mais tout noble sera acquitté. Au nom de Dieu, ne nous ballottez ni moi ni Zajmourine. Et si Zajmourine ne peut se faire à l'idée de n'être pas ballotté, eh bien, mettez pour lui à gauche, je vous en prie. Vous défendez bien la cause de votre ami et compagnon de service. C'est pour son bien, et puis sa femme m'a parlé. On dit que sa charge actuelle lui a déjà tout à fait dérangé les nerfs. Et pour la femme, vous concevez... Quant à moi d'abord, je vous dirai sincèrement que s'il plaît à la noblesse de m'élire juge, bon, je n'ose pas refuser, je me soumettrai. Disposez de moi, enfin. Là-dessus, ce confrère de Zajmourine, en édilité et en candidature, salua et sortit d'un pas rapide. Il y avait aussi réunion chez Zajmourine, mais de gens de bien moins haute qualité. Quelques-uns buvaient de l'eau-de-vie et grignotaient des butterbrot ou tartines fourrées. Barantsov, auditeur, jouait avec 3 fondées de pouvoir. Une préférence à 1/4 de Kopeïka, en se servant d'un très vieux jeu de cartes. Zajmourine, Bourdakine et lui avaient arrêté ce logement en commun. Dans la cour de cette maison, dans une remise fort délabrée, avait été remisée l'ex-cornette de hussards, prince Smirski, à qui Barantsov avait procuré une commission de fonds et de pouvoir pour les élections, et qu'il avait amené avec lui gratis. Le prince entrait continuellement dans les chambres pour avoir occasion de se restaurer. Continuellement, il se querellait avec Barantsov, son patron temporaire, et à chaque querelle, il rentrait dans sa remise. Là, il restait à murmurer et maugréer jusqu'aux heures du dîner ou du souper, temps où son cœur droit éprouvait le besoin de se réconcilier avec l'auditeur. Tikhon Semenovitch, dit avec enthousiasme le prince à l'assesseur. C'est pour toi que je suis venu à la ville. Et il tiraillait, en disant cela, ses énormes moustaches grises. Et c'est moi qui ai eu la gloire d'amener le prince, dit d'un air sérieux Barantsov en donnant les cartes. Comme ami, tu auras mon suffrage. Je suis venu pour toi. Pour toi, je mettrai ma boule à droite. Dis seulement, dis ce que tu veux dire. Passe, dit l'assesseur à ses partenaires, et il sortit. Le cher ami peut bien compter sur des boules noires. À gauche, dit le prince. J'en rassemblerai une poignée, et j'en fourrerai pour moi et mes voisins. Il peut bien y compter. Barantsov rentra. Je veux qu'on sache bien, reprit le prince, en essayant de ne rien perdre du verre de punch qu'il tenait des deux mains, que nous sommes, Barantsov et moi, une vraie paire d'amis. Il but, claqua de la langue, frappa du pied et alla mettre son verre sur la fenêtre. Puis il s'assit sur une pauvre chaise qu'il tourmenta indignement, ainsi que les parois intérieures de ses narines, et il sifflait un air qu'il rendait comme à dessein méconnaissable. « Il faut le ménager un peu jusqu'à après le ballottage, » dit Zajmourine, « car il peut causer plus d'un désagrément. »« Oui, on peut l'en empêcher, n'est-ce pas, un pareil homme ?»« Où diantre a-t-il pris cet habit? Ce n'est pas à lui. Voyez ces deux gros plis qui partent des aisselles. » Barantsov lui a prêté cet habit pour le temps des élections. Parlez bas. Hier, on lui a dit un mot sur son habit. C'est, a-t-il crié, mon habit, personne ne le portera après moi, je ne le quitte plus. Hier, en me couchant, je n'ai pas permis à mes gens de me l'ôter. J'ai eu la fantaisie, moi, de dormir en habit. Quelqu'un a dit quelque chose à dire là-dessus? Voilà ce qu'il leur a dit avec une grande violence. Qu'est-ce que vous marmottez donc là entre vous, hein? Il me semble que vous daubez sur moi. Faites-moi donner du punch et la boîte au tabac, ici, à discrétion, sinon, gare les noirs, et par fil à droite en avant. Fini, prince, tes plaisanteries sont d'une bêtise amère. Amère et bête, n'est-ce pas? Avec les gens d'esprit, j'ai la plaisanterie légère et douce. Mais, ma foi, avec vous, c'est... et ça doit être amèrement bête. C'est suivant le milieu, voyez-vous. Vous aurez tous du noir, et à gauche, et ma raison, c'est que, étant prince, je déteste les démagogues. À demain le serment, il n'y a plus à reculer. Je dois faire les choses selon la conscience. Tu veux servir, tu te portes candidat à une magistrature, et tu appartiens à un parti. Tu te mets à la tête d'une coterie, et pourquoi désires-tu une charge? Pour battre monnaie. Ah, nous savons, je vais vous atteler des corneilles, moi. Drôle d'idée que vous avez de le piquer, messieurs, dit quelqu'un d'un coin de la chambre. Ah, c'est vrai, tu es là, toi, mon petit lapin. Voyons, qu'est-ce qu'il te faudrait bien à toi? Tu viens de te marier, hein? Et à qui, imbécile? Tu veux être auditeur? Le prince alla chuchoter à l'oreille de son petit lapin. Tu le veux? Eh bien, parle! Parle donc! Tu sais que j'ai passablement de relations. Je suis Aristo, archi-Aristo, tout nu que je puis être. J'ai mes entrées parfaitement libres chez le gouverneur et chez le maréchal du gouverneur. J'ai où trouver des appuis. Que Barantsov ou un autre me fasse cadeau d'un habit de noblesse, supposons, avec la broderie d'or pur qui convient à mon rang, quel est le général qui aura un plus grand air que moi? Barantsov fait état de moi, et nous logeons ici ensemble. Mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai un appartement à moi seul au reste. Je paye, ma foi, bien 7 roubles pour l'occuper pendant les élections. Barantsov me nourrit. Parbleu, il faut bien que cela soit. À quoi servirait le bétail? Moi, dans la route et ici, je n'ai été et ne serai pas une heure à jeun. Tout bas. Il veut, figure-toi, être auditeur ou conseiller. Encore candidat? Mais il y a déjà 18 ans qu'il ne sort pas des charges. Qu'il tienne en poche bien large ouverte, je lui ferai provision de noir. Seulement toi, ne dis rien. Tu comprends? Tiens, il faut que je t'embrasse. Sais-tu que ta femme est bien? Moi, la dernière fois, je ne lui ai pas dit ce que je veux. Ouh, je ne sais ce que cet animal de Barantzoff nous fait manger, mais j'ai le cœur tout barbouillé. Là-dessus, le prince sortit et traversa la cour pour gagner la porte de sa remise. Il était vraiment temps pour le repos des autres gentilshommes qui, au reste, se retirèrent moins d'un quart d'heure après. Zachmourine se coucha, mais il laissa une chandelle allumée près du lit, préparée pour Bourdakine, son confrère et ami que vous savez, qui, au grand étonnement de Prokop Petrovitch, n'était pas encore rentré. À 2 heures après minuit, on frappa à coups redoublés sur la porte cochère. Dès les premiers coups, Zachmourine, réveillé, s'était mis sur son séant. Les 3 domestiques qu'ils avaient amenés dormaient tout habillés sur le plancher de l'antichambre. Zachmourine les réveilla et les envoya à la porte cochère, dont ils ouvrirent le guichet, et, 1 minute après, entra comme une bombe le bon Bourdakine, pâle, défait, les cheveux ébouriffés et un seul manteau pour vêtement. « Où étiez-vous donc ?» lui demanda Zachmourine avec intérêt et inquiétude à la fois. Oh, « ne m'en parlez pas. Je viens d'un lieu où l'on ne me rattrapera jamais. C'était la première fois de ma vie. Ce sera bien la dernière. Et de l'eau fraîche, je ne puis plus jusqu'à ce moment revenir de ma frayeur. Dites donc ce que vous avez. Ne me questionnez pas. Mais vos bottes, vos habits, votre casquette. Le ciel soit loué. Je suis, moi, sain et sauf. Au diable mes effets. Eh, petit, vite de la glace, et frotte-moi tout le dos, tout le dos. Ça, moi je me lève et je vais faire ma déclaration à la police d'ici. Non, rien, au nom de Dieu, ne bougez pas. Une enquête encore, ce serait joli. J'ai été à une école de danse. Que ma femme sache que j'ai mis le pied dans un pareil établissement, et jamais elle ne me laissera venir aux élections. Alors, adieu les belles espérances. Que diantre alliez-vous donc faire, vous, dans une école de danse? L'occasion. Quelle occasion, voyons, contez-moi tout. Dit avec une impatiente anxiété le futur juge en se couvrant de sa robe de chambre et de son bonnet de velours. Et il s'assit à côté du lit de son pauvre collègue qu'il regardait avec intérêt en lui pressant la main. Car après tout, comme concurrent, il n'était plus à craindre cet excellent ami. J'étais chez le maréchal, où l'on me pressait de me porter candidat à une des charges de juge. Je ne voulais pas, je repoussais les offres. Ils continuaient de m'offrir leur voix. Moi, je sentais que j'allais faiblir. « Bah, me dis-je, j'irai chez Shramikin pour causer d'autre chose. » J'arrive, je le trouve, il me dit « Bravo, allons à l'école de danse. » « Et vous êtes allé ?»« Et nous sommes allés. Comme il dispose de 2 voix, on n'a pas grand-chose à lui refuser en temps d'élection. » Le diable sait à quelle école il m'a mené, là. Grand éclairage, musique, cela me rappelait ma noce. Le cœur, dès l'antichambre, me battait toutefois bien autrement. Je remarquais 2 yeux noirs. Oh, aïe, aïe, aïe, doucement, ah. Les domestiques frottaient de glace le dos très maltraité du candidat à la charge de juge. Après la glace, il se fit appliquer des serviettes chauffées. On lui passa une chemise blanche et fraîche, et il s'endormit. Zachmourine, ayant parfaitement deviné de quelle école revenait son collègue, le laissa s'endormir d'un profond sommeil, qui, tout bienfaisant qu'il était, faisait beaucoup péricliter sa candidature, car le malheureux en avait bien pour plusieurs jours à garder la chambre. Pavel Ivanovitch Tchitchikov, au rebours des autres, ne s'agita point, n'étourdit, n'importuna, ne visita personne. et se mit au lit en vrai campagnard, bien avant 11 heures. Le lendemain matin, 15 septembre, il chaussa ses pantoufles, se lava à très grande eau, s'essuya la figure, le cou, la poitrine et les bras. Il mit sa robe de chambre à la tatare, et à sa grande satisfaction, il vit, à travers la porte laissée entr'ouverte par le valet de chambre, le solide visage du tailleur qui tenait sous son bras, avec précaution, un léger fardeau enveloppé d'un grand foulard des Indes. « C'est prêt ?» dit Tchitchikov. « Parfaitement prêt, » répond le tailleur en prenant son creux et retirant les épingles. « Après cela, m'ira-t-il bien ?»« Il doit aller bien, » répond l'artiste. Tchitchikov s'habilla des pieds à la tête, et à la fin se fit passer son uniforme. Et, se plaçant devant une glace, il exécuta divers mouvements du corps et des bras. Après quoi, il dit que peut-être l'habit était un peu étroit aux aisselles. Le tailleur prétendit que l'emmanchure ne laissait rien à désirer. « Fort bien, » dit Tchitchikov. « Mais vois donc, si je fais comme ça, cela me gêne sous le bras. » « L'assemblée des électeurs n'est pas un étang dangereux, et vous n'irez pas peut-être nager là comme s'il y avait de la vie à gagner et le bord. Vous vous tiendrez gravement assis, comme tous les nobles de votre âge. »« Sans doute, sans doute, » dit Tchitchikov un peu honteux, d'avoir pris devant cet homme des airs de naufragé. Mais il ne put s'empêcher de se coiffer de son chapeau à cornes et de dire, en se mirant toujours, « J'ai, ma foi, l'air d'un général avec cet uniforme. Ne trouves-tu pas, mon cher ?»« Vous êtes, comme cela, un vrai général. »« Tu trouves ? » ?»« Et la figure, hein ?»« Tout à fait la figure qui convient à un général, et même pas un simple général. »« Comment ? Un simple ? Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de généraux ?»« En fait de généraux, « il y a les Américains, monsieur. »« Quelle folie ! Où as-tu pris que nous ayons des généraux américains ?»« On les appelle ainsi. »« Qui est-ce qu'on appelle ainsi ?»« Eh mais, la grandesse, la haute noblesse, les nobles seigneurs propriétaires de beaux domaines. »« Tu mens. Allons, tu es, je le vois, un grand hableur. »« Je dis ce que je sais, voilà tout. » « Voilà le prix de ton travail. Est-ce que tu as coupé et cousu toi-même » ajouta-t-il en dessinant son torse devant la glace. « Moi-même, monsieur. Cet argent-ci, est-ce pour toi ?»« Non, c'est pour le bourgeois. Si vous donnez quelque chose pour moi, vous me ferez bien plaisir. »« Tiens, va avec cela prendre le thé à ma santé. » Et il lui donna un tselkov. Après le départ du tailleur, il prit devant le miroir différentes poses, salua en avant, en arrière et obliquement, ceignit son épée de gentilhomme, mit ses gants, et comme il faisait très beau, il se rendit pédestrement à la maison des assemblées de la noblesse. Il y avait une demi-heure que tintait la cloche de l'appel aux élections. Les nobles arrivaient de minute en minute plus nombreux. Devant la porte étaient les gendarmes mis à la disposition de la police urbaine, représentés par 5 ou 6 agents très affairés. L'hôtel de la noblesse était plein de bruit, d'allées et de venues, de mouvements inaccoutumés. Les gens de connaissance se rencontraient, se livraient à l'intempérance nationale du baiser et de l'embrassade, ce qui n'excluait pas poignée de main à l'anglaise. Tchitchikov vit, non sans surprise, dans la grande salle, une foule de gens qui saluaient non pas seulement leurs connaissances, mais les personnes mêmes inconnues et qu'ils voyaient pour la première fois. Leur regard était doux et respectueux, pour ne pas dire obséquieux. Leur chevelure était lisse et leur menton parfaitement rasé de frais. Ces messieurs étaient les candidats aux magistratures du gouvernement, qui ne sont point inférieures à celles des présidents de chambre ou cours de justice. Le maréchal de la noblesse du gouvernement, en uniforme de gentilhomme de la chambre de Sa Majesté impériale, fit son entrée en saluant poliment de tous les côtés. Il s'arrêta au milieu de la foule et causa amicalement avec les nobles de sa connaissance. Les maréchaux des districts se mirent en devoir de lui présenter les nobles de leur district. Le représentant de toute cette noblesse ne cessait de saluer, et il donnait même la main à quelques-uns au moment où il passait. Tchitchikov n'avait point compté sur un honneur si insigne, en sorte que, par la distraction que lui causa la surprise, il pressa assez fort cette main que lui tendit sans penser le maréchal. Son amour-propre flatté se fit voir aussitôt dans sa démarche, dans le port de sa tête et dans toute l'économie de sa personne. Il comprenait tout ce qu'il venait de gagner aux yeux de tous ses voisins de campagne. Son district le regarda quelques minutes et quelques-uns lui trouvèrent une physionomie de diplomate. « Dites-moi un peu, dit un noble à un autre, pourquoi monsieur le maréchal a échangé une poignée de main avec Tchitchikov ?»« Une distraction, le hasard, voilà tout. » »« Non pas, non pas. Après lui avoir tendu la main, il a relevé ses gros sourcils. Et j'ai remarqué qu'en regardant comme quelqu'un qu'on est aise de trouver à son poste, il a fait un « ah, ah » significatif. « Bah, c'est comme ça. » « Comme ça, n'explique rien. »« Est-ce que je sais, moi, ce que vous me demandez là? Je cherche là-haut dans les tribunes. »« Vous avez là des connaissances, des parents, n'est-ce pas, qui vous regardent ?»« De nouvelles débarquées, pour sûr, ce sont de nouvelles débarquées. Nous n'avons jamais rien d'approchant ici, même à l'époque de la foire. Voyez, voyez. »« Vous devriez rougir, le bel objet d'enthousiasme. Sommes-nous ici pour de telles folies ?» Et pensez que vous avez pour femme une beauté. Qu'est-ce que ça fait? Une beauté, soit. Mais admirer le canon n'empêche pas de voir aussi la licorne et la couleuvrine. Je veux admirer un peu de près cette... Allons, le voilà parti. Quelle idée! Mais je ne souffrirai pas cela, et je vais là-haut pour la ramener ici. Après Pian Maximiche, où allez-vous donc? Le gouverneur, chut, messieurs, chut. La noblesse entoura la grande table comme d'une quadruple muraille de 50 pieds d'épaisseur. Le gouverneur était un homme grand et beau. Il salua l'assemblée et, sans s'asseoir, il prononça comme président un discours bref et plein de sens, par lequel il annonça l'ouverture de la session. Avant tout, il pria toute l'assistance de le suivre à l'église, pour y prêter le serment d'agir avec impartialité dans les suffrages et de ne porter aux magistratures que des hommes vraiment dignes de les exercer. C'est dans la grande rue que se trouvait l'église. Cette partie centrale de la ville avait ce jour-là l'aspect le plus animé. On y voyait les uniformes des troupes de toutes armes, les habits d'ordonnance de tous les employés civils et des voitures de toutes les époques, remplies d'électeurs et d'éligibles, se rendant à l'église entre les deux haies épaisses et bariolées que formait de part et d'autre la population, dont une partie garnissait toutes les fenêtres jusqu'aux lucarnes des greniers. L'église était assez grande pour sa destination, même en temps extraordinaire, mais ici la foule des curieux la faisait sembler extrêmement petite. Après la cérémonie du serment, messieurs les assermentés se dispersèrent par toute la ville, les uns pour rentrer chez eux, les autres pour courir en 20 maisons faire des visites, et la plupart s'assurer un couvert à une bonne table, sauf à la prendre d'assaut, s'il ne s'offrait pas de lui-même. Cette journée fut pour plusieurs un jour de bon espoir. Beaucoup, qui n'avaient pas déjeuné et avaient fort mal dîné, trouvèrent à l'improviste un souper copieux et splendide, et la certitude d'un excellent dîner pour les jours suivants. Le lendemain, la séance fut ouverte par la lecture d'une liste, rédigée dans l'ordre alphabétique, des nobles de tout le gouvernement qui s'étaient trouvés ou se trouvaient sous jugement. après la proclamation de chaque nota, il sera décidé, séance tenante, par voie de scrutin, si on leur reconnaîtrait, oui ou non, le droit de prendre part aux élections. Tchitchikov assista à cette lecture émouvante. Il ne tenait plus à sa place. Son impatience était si forte que plusieurs fois il se glissa près du secrétaire de la noblesse et regarda par-dessus son épaule la liste qu'il lisait. Et, saisissant un moment d'interruption, il demanda tout bas au secrétaire s'il arriverait bientôt à la lettre T. Le secrétaire lui répondit poliment qu'il allait à l'instant même lire les noms ayant pour initiale la lettre T. À cette nouvelle, Pavel Ivanovitch retourna soucieux à son fauteuil et dit à son voisin qu'une dent cariée le faisait horriblement souffrir, qu'il avait en vain espéré que le mal cesserait, qu'il voyait la nécessité de se la faire arracher, et qu'en tout cas, il ne pouvait rester au milieu de tous ces courants d'air. Il sortit. Arrivé à l'auberge, il s'étendit sur son lit en attendant qu'on lui apportât une marinade d'esturgeon qu'il avait commandée dès le matin pour 4 heures. Une demi-heure au plus s'écoula après la sortie de Tchitchikov, lorsque la lettre T fut attaquée. On nomma d'abord un sous-lieutenant à P. Tchouvirine, mais en jugement comme accusé de s'être emparé avec voix de fait de la vache du bourgeois Kropotkine. Le tribunal avait acquitté Tchouvirine. « Qu'il vote !» s'écrièrent une foule de voix. G. P. Tchernef, secrétaire de collège, a été accusé de faire du tort à la ferme des eaux-de-vie et d'avoir cruellement battu le préposé. Acquitté quant au premier point, il fut, sur le second, condamné à des dommages-intérêts en réparation d'honneur au profit du battu et à 3 jours d'arrêt sous la tente. « Qu'il vote » cria-t-on comme pour le précédent. Ivan Borisovitch Tchirnazov, conseiller titulaire, accusé d'avoir sur les terres de la couronne « De la couronne, exclure, exclure !» crièrent 100 voix à la fois avec l'accent de la colère. Ivan Stepanitch Tselikov, assesseur de collège, mis sous jugement pour avoir, au milieu de la place, fait feu d'un fusil chargé. « Tselikov a fait feu d'un fusil chargé ?» dit vivement un gentilhomme à chevelure frisée menue. « Positivement chargé ?»« Sans doute que son fusil était chargé. »« Si l'arme n'est pas chargée, il n'y a pas de coup de feu possible. » « Les petits garçons brûlent quelquefois une amorce pour jouer. Au reste, merci de l'explication, je ne savais pas. » Rire presque général. « Pourquoi le secrétaire n'a-t-il pas fini sa phrase ?» dit d'un air tout effarouché un monsieur au regard de plomb, la tête tondue très ras. « Est-ce que Tselikov a tué quelqu'un avec son fusil chargé ?»« On vous prie de vous taire !»« Qui donc donne et ôte la parole ici ?»« Je demande si Tselikov a tué ou blessé quelqu'un !» Le bruit augmentait de minute en minute. « Messieurs, messieurs, silence, je vous prie !» dit avec douceur le maréchal du gouvernement. « Je sais cela, moi, j'étais présent. Il a blessé... » répondit très gravement un gros monsieur qui avait sur la joue droite un bouquet de poils vraiment extraordinaire en force et en longueur. « Par cette détonation... » voulut continuer le secrétaire. « Écoutez, Petr Fedorovitch, écoutez donc, on explique le coup de feu de Tselikov. » « Quoi ? Comment ? On n'entend rien du tout. » Allons, ça va recommencer, puisque tout l'orchestre accorde ses instruments. Secrétaire, parlez plus haut et allez votre train. Aïe, aïe, de nouveau sur mon maudit corps. Qui passe donc là? Aïe, aïe, est-il grossier celui-là? Il ne demande pas pardon. Par cette détonation, dit le secrétaire en le prenant plus haut de toute une octave, il effraya mortellement une dame qui passait. Cette dame est la femme du commissaire de police du quartier, Chouquine. Par suite de sa frayeur, cette dame, en arrivant chez elle... Ah ! Si elle en est morte, qu'importe qu'elle ait été atteinte ou non par la décharge. Au nom de Dieu, messieurs, écoutez, n'interrompez pas. En arrivant chez elle, elle fut mise au lit et accoucha de 2 enfants qui ont été reconnus être du sexe mâle. Grand éclat de rire. Fort bien, mais la mère ? La mère et les enfants sont dans le meilleur état de santé. Par suite de l'enquête qui fut ordonnée, Tselikov a été déchargé de toute responsabilité. Qu'il vote ! S'écria-t-on de tous les côtés. Ce serait fort de priver celui-là de sa qualité d'électeur. Il a mis la science sur la voie d'un nouveau moyen de précipiter l'action de la nature dans les cas difficiles. Ce que vous dites là est très vrai. À propos, et votre jument ? Je l'ai vendu à un maquignon. Mais vous ne savez pas l'aventure ? Non, je ne sais pas, mais permettez-moi d'ab... Messieurs, pour l'amour de Dieu, écoutez. Il n'y a pas moyen d'entendre un seul mot. L'Arlou Kouzmitch, voyez, qui est dans celui qui, là-bas, est assis sur le tout dernier banc. Là, dans l'encoignure. Il y a au-dessus de sa tête une lampe. Ah, vous voyez à présent. Quelle figure! Voilà qui serait digne du crayon de Gavarni. Taisez-vous donc, on lit! Pavel Ivanovitch Tchitchikov, conseiller d'État, accusation de faux en matière de testament. Ah, pour un gentilhomme, ceci est assez mal porté. Exclure. Et quoi? Comment? Du faux en pierrerie et des diamants? Bien tombé. On vous dit pour faux en matière d'héritage. Ah, j'en entends divers tripotages aux élections. Mais qu'est-ce que les tribunaux avaient à voir là? Ah, ça, vous me laisserez bien prendre ma prise. Il me sert si fort que je ne puis pas atteindre ma tabatière. On ne vient ici qu'une fois tous les 6 ans, et c'est pour être mis dans un étau à chaque pas. Moi, je vais filer. Que ne file-t-il donc plus vite au lieu de bavarder ce gros-là? Il prend à lui seul 3 places, et près de lui ce n'est pas tenable. Il lui faut encore 6 coups des franges pour priser, excusez. Et finirez-vous là-bas? Laissez donc écouter. Eh bien, qu'est-ce que vous venez faire par ici, vous autres? Oh, c'est par trop fort. Chut! Silence, je vous prie. Accusé d'avoir perpétré un faux en matière de testament, et d'avoir acheté à différents propriétaires nobles de domaines habités des paysans serfs, âmes mortes avec la terre qu'ils occupaient. Il a été, après enquête et jugement, complètement acquitté comme non coupable. Quoi ? Des âmes mortes ? On l'avait accusé d'avoir acheté des âmes mortes. Des absurdités, enfin, voilà quoi. Comment ? Il a acheté le testament d'une femme morte ? Ah, mon cher monsieur, tu es bien assommant. Que diantre ! Débouche donc tes oreilles. Je te réponds pour la dernière fois. Il a acheté des milliers d'âmes mortes. Ne dit-on pas morte ? Ah, Jésus mon Dieu ! Pas moyen d'entendre. C'est une babelle. Quelles histoires ! Je vais sortir. Le secrétaire lit une chose, ici on parle d'une autre. Mais pas du tout, c'est bien cela. Il s'est adjugé un grand héritage et il a acheté d'anciens cimetières. Impossible, vous avez compris comme cela, je le veux bien. Répétez l'article, répétez, cria une grande partie de la noble assemblée. Eh, venez près de nous, ici, voilà, c'est bien. C'est le centre de la salle. Ce n'est pas vrai. Plus à droite. À droite. Voilà le vrai centre. Ici donc, plus près de nous. Le secrétaire se plaça au centre même. Il toussa et se mit à lire. Pavel Ivanovitch Tchitchikov, conseiller d'État, accusation de faux en matière de testament et accusé d'avoir acheté à divers propriétaires nobles leurs âmes mortes. À ce moment, il se fit dans la salle un bruit et une confusion épouvantables. La plupart des électeurs se levèrent. « Voilà du nouveau ! Crime sur crime ! Quelle apparence, allons donc ! C'est un faiseur d'affaires, un homme à projet, un spéculateur, voilà. Oh, cette idée, je vous demande, cette idée de déterrer les morts. En voulait-il pas faire du charbon animalisé? Est-ce que l'enquête ne dit pas ce qu'il voulait faire de ses os et de ses cadavres? Je crois qu'on peut, avec les tombes, faire du salpêtre. Après ça, les ossements donnent une cendre que l'industrie utilisera, pour sûr. Moi, je... En voilà un qui dit des horreurs. C'est un cas, un tel cas, voyez, que je ne me serais jamais figuré. Non, un pareil cas, jamais. Que je raconte cela à ma femme, elle dira que je mens. Pourquoi le dire? Pourquoi se faire gronder? À quoi bon chercher les querelles? Ne viennent-elles pas d'elles-mêmes sans cela? Moi, je ne dirai pas un mot à ma femme de cette abominable affaire. Et moi, je dirai tout à la mienne. Sans cela, elle l'apprendrait d'un autre. Et en voilà un bon sujet à querelle. Pourquoi faire? Pourquoi achète-t-il des âmes mortes? Le haut maréchal, jusqu'ici, avait pris patience. Mais, sentant qu'il fallait en finir de cet article, il s'arma de la sonnette et tinta jusqu'à ce que le silence le plus complet se fût établi. Et alors, il dit à l'assemblée. Messieurs, il paraît que, sur la question de savoir si le droit d'élire de ce gentilhomme est ou n'est pas reconnu par l'assemblée, il y a scission. Ne vous convient-il pas en cette occasion de recourir au scrutin de ballotage? Très bien, c'est le cas ou jamais. Le ballotage. Les boules furent apportées et on procéda au scrutin. Ah, que je voudrais voir ce monsieur Tchitchikov, sa figure, son extérieur, ses manières. Pour sûr, la mine d'un crochet de chicane et d'un vaurien achevé, d'un croque-mort tout au moins. Nullement, tout le monde disait hier que c'est un homme encore jeune, grassouillet, frais, bonne tenue et bon ton. On dit qu'il a servi dans les gardes impériales. Tchitchikov? Vraiment? Ça, dites donc, Trofim Petrovitch, puisqu'il est de votre district, vous devez le connaître, vous? Non pas, dans notre district, nous n'avons personne de ce nom-là. Il a été agent d'affaires au contentieux, en Sibérie. Il faut savoir de quel district il est, à qui donc s'informer? Il nous est arrivé ici, droit de Kamtchatka, à cheval sur un renne. Finissez, ah! Moi, je vous dis que le cas est fort grave. Tchetchenkov, grand Dieu! Voyez quel nom de gentilhomme il se rencontre maintenant dans le monde. Nous ne sommes ici qu'un seul gouvernement, pas même une province entière. Et vous voyez quel nom il nous faut apprendre à épeler. Ainsi, le commerce d'âmes mortes mène à la Domless. Bravissimo! Elle est si grande, notre bonne mère la Russie. Naturellement, elle contient toutes sortes de gens. On y exerce toutes sortes d'industries et de commerces. Oncle! Oncle! Écoutez! On dit qu'il y a des Kalmouks. Des Kalmouks, hein? Est-ce vrai qu'il y a des Kalmouks? Oui. Laisse-moi tranquille. Oh! Tchetchenkov, gentil garçon. À qui en avez-vous donc avec votre Tchetchenkov? Quel Tchetchenkov? On vous a lu 20 fois bien clairement Tchetchanine, et pas du tout Tchetchenkov. J'enrage quand j'entends défigurer les noms propres. Attrape! Oh, l'oncle, voilà comme il est. Fout-il un pas, il chope. Dit-il un mot, il hoque. Et comme tant d'autres, il croit parler juste. Le vrai nom, c'est Tchitchikov. Monsieur Tchitchikov est ici même, ici, dans cette salle. Il a bonne figure, et en général, l'expression de sa physionomie est une de ces expressions qui inspirent, ou du moins, et certes, avec la juste réputation dont... très bien, Vassili Loutkitch. Oh, dame, celui-là, quand il se met à deviser, et surtout à analyser, il n'y a vraiment plus qu'à se taire et à se mordre la lèvre d'en bas avec les dents d'en haut, ou au rebours. Admettre, il faut admettre Monsieur Tchitchikov. Il a acheté, puisqu'il a acheté, c'est qu'il a payé. Si, au lieu d'acheter, il avait dérobé, enlevé, volé, oh, alors, il faudrait l'exclure de partout et lui faire son procès. Sans doute, et alors nous demanderions qu'il fût dépouillé de tout titre de noblesse. Oncle, dites, oncle, quand on vous aura fait députat, quartier maître civil, local, pour le logement militaire des troupes de passage, vous me mènerez voir les Houbov, hein? Il choisit bien le temps et le lieu pour parler de sa Léoubov. Eh, mais, oncle, dans tout notre district, il n'y en a pas une qui vaille Léoubov, n'est-ce pas? Voyons, convenez, oncle. C'est vrai, bon, mais à présent, tais-toi. Ah, vous reconnaissez que c'est vrai, elle est bien gentille, hein? Oui, oui, c'est bon, va-t'en un peu là-bas, voir si j'y suis. Savez-vous, oncle, que moi, auprès d'elle, je ne suis qu'un pauvre imbécile? Un imbécile, certainement. Laisse-moi, au nom de Dieu, laisse-moi. Les farces commencent à m'excéder, parole d'honneur. Quoi, l'honneur? Ah, ma foi, voilà l'oncle qui radote. Comment, tu oses, pandard? Tu dis... Je dis, oncle, que vous êtes ma petite âme, mon petit cœur, mon chouchou. Tenez, je n'y résiste plus, il faut que je t'embrasse. » Le gentil neveu s'élança au cou de son oncle. Celui-ci se débattait et se fâchait tout rouge, et on faisait cercle autour de cet épanchement de famille. Dans ce cercle pénétra un troisième personnage qui devint aussitôt le plus marquant. C'était un petit vieillard, tout ridé, en ancien uniforme de marin, au collet brodé, fort avarié. Il avait tout le visage inondé de sueur, et ses cheveux gris se collaient sur ses tempes. Ce vieux loup de mer était livré à une très grande agitation. Il avait déjà fouillé tous les recoins de la salle. Il gagnait le centre, et ses yeux plongeaient dans toutes les directions. En pénétrant dans le cercle dont nous avons parlé, il dit d'un air tout préoccupé, mais sérieux, « Messieurs, de grâce, auriez-vous l'extrême obligeance de me dire à quel prix Tchitchikov a payé l'âme morte? Je veux dire, prix moyen. »« 7 roubles et 75 kopeïki en assigna, » répondit gravement un gros monsieur qui tenait à 3 doigts au-dessous de son nez une tabatière d'argent ouverte et prisait avec délice et méthode. Du sexe mâle ou de l'autre? L'un dans l'autre, mâle ou femelle. Le marin s'épanouit, puis il prit un air de mystère en ajoutant. Est-ce qu'il n'achète que des majeurs, ou s'il prend aussi les enfants? Je vous dis ce qu'il a fait, il a acheté des âmes. Vous devez savoir ce qu'on appelle des âmes. Ah bien, un mot seulement. « Auriez-vous la bonté de me montrer ce monsieur Tchitchikov en personne? Ou dites seulement où il se trouve actuellement, dans quelle partie de la salle? » « Tenez, regardez bien là, plus loin, contre la colonne, à l'angle de la galerie. Cet homme grand, très maigre, très laid, longs cheveux blanchâtres, ébouriffés et des lunettes d'écaille. C'est une figure très facile à remarquer. » Le marin bondit comme un chevreau, puis il courut d'une course violente et si désordonnée qu'il mit sur l'océan, par terre, 2 lourds gentilshommes, renversa 3 fauteuils, enjamba plusieurs banquettes et arriva enfin à son mal peigné en lunettes d'écaille. Il le saisit convulsivement par le bras et l'entraîna dans un coin désert. Le marin parla, fit force courbette, et accompagna de mouvements saccadés des bras, des sourcils et de la tête chacune de ses paroles. Le blondin souriait d'un air méprisant. Regardez de haut, des pieds à la tête, l'éloquent marin. Allongez la lèvre inférieure et haussez ses maigres épaules. Sérieusement, quoi? Vous ne seriez pas Tchitchikov? Ça, faites-moi donc le plaisir de me dire ce que vous voulez de moi. Je n'ai point l'honneur de vous connaître, pardon. L'inconnu voulait s'éloigner. Non, vous ne m'échapperez pas ainsi, noble et généreux Tchitchikov. Vous m'achèterez mes 140 âmes de l'un et de l'autre sexe, mortes du choléra. Vous me dédommagerez un peu, du moins, de cette perte cruelle. Faites qu'un vieux marin, ses fils et petits-fils, aient à bénir éternellement votre nom. Vous plaira-t-il de me laisser en repos? Où diantre prenez-vous toutes les choses ridicules que vous me dites là? Chacun cherche son avantage, c'est tout naturel. Je respecte tellement et tiens pour si légitime le commerce que vous avez entrepris, que je suis prêt à rabattre 25 opéiki du prix que vous donnez de chaque âme morte, uniquement pour jouir du bonheur de concourir ainsi, selon mes facultés, à la prospérité de vos opérations. Je vous prie encore une fois de vous taire et de ne pas me forcer à vous dire des duretés. De la part d'un homme sage tel que vous, je n'ai pas à attendre la moindre parole grossière, certainement. Faisons notre marché ici, de vous à moi, et pour l'acte et la somme, j'irai les prendre chez vous. Oh, ça, vous voulez donc... Ne vous inquiétez pas de cela, je n'aurai pas de peine à trouver votre demeure, et fût-elle au fond des mers, je trouverai. Eh bien, mon honorable Pavel... Ce petit colloque privé fut interrompu net par le silence qui tout à coup se fit dans toute la salle. Le secrétaire proclama le résultat du scrutin. D'après le scrutin qui vient d'avoir lieu au sujet du conseiller d'État Pavel Ivanovitch Tchitchikov, il a été trouvé pour le maintien de son droit de vote 499 contre 87. Monsieur Tchitchikov est admis comme membre de l'Assemblée à la majorité de 412 voix. « Je vous félicite, » dit le marin. « Que le diable vous confonde, » dit le monsieur au bésicle. La lecture du reste de la liste fut reprise et terminée en une demi-heure. On soumit ensuite aux délibérations de l'Assemblée quelques propositions. Il y en eut qui furent pour tous les districts une occasion de grand tapage, au point que du dehors, on entendait distinctement les voix les plus puissantes qui s'élevaient dans l'intérieur. « Sans doute !» criait avec une certaine cantilène bizarre un grand brun. « Les gens bornés, ceux qui n'ont sur la nationalité que des idées mesquines et plates, ne comprenant point ce que c'est que la vraie philanthropie, idéalisent tant qu'ils peuvent la popularité vulgaire. » Mais ceux qui nous comprennent avoueront que des idées individuelles d'une pareille nature présupposent une mûre et grave contemplation subjective de tous les points esthétiques de la création, point dont la connaissance peut seule donner ce que nous appelons les points de vue actuels, contemporains et non arriérés et absurdes. Monsieur a raison, il y a de la logique dans ce qu'il a dit là. Il a, ma foi, parlé spirituellement, comme ton dictionnaire de Tastichef. Au fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il a donné son opinion, voilà. Quelle est donc son opinion? Il l'a dite, son opinion, vous n'aviez qu'à écouter. Mais il n'a rien dit du tout. Vous parleriez comme lui, vous, n'est-ce pas? Allez donc, je suis sûr que vous n'êtes pas en état de vous expliquer. Quand je parle, chacun du moins me comprend. Eh bien, Sava Petrovitch, parle pour les personnes qui, ayant fait de grandes études, ont l'intelligence pleine des besoins moraux et de la pensée de notre temps. Grand bien leur fasse. Mais qu'avez-vous fait hier à la préférence? Ces messieurs se mirent à parler de leurs exploits de cartes de la veille, jusqu'à ce qu'une de leurs connaissances communes vint leur demander de quoi il s'agissait, et qui était le membre qui donnait son opinion. Au bureau, là-bas? Pardon, je n'y étais plus, mais non, ce n'est pas une opinion qui était donnée. On faisait je ne sais quelle proposition. Eh, Pavel Dimitritch, Voulez-vous expliquer à monsieur ce que le secrétaire vient de dire ? Moi, je n'ai pas le temps, hein. Pardon, je rentre chez moi. « Votre noblesse fait horriblement de bruit, dites donc !»« Tous ont l'estomac vide, ils crient pour tromper un moment leur appétit, mais il serait temps de lever la séance. »« Nous signerons le protocole sans bruit, sans conteste. »« D'autant mieux que ceux qui rédigent sont plus malins que nous. »« Qui vais-je inviter à venir dîner avec moi ? C'est si ennuyeux de manger seul !» dit un monsieur à nez épaté. « Demeurez-vous loin ?» dit au nez court un jeune monsieur à nez long. « Non, tout près d'ici. »« Je vous félicite, vous en satisferez d'autant plus tôt votre appétit. »« Quant à la satisfaction de mon appétit, je ne regarde pas à la distance. Demeurez-vous loin ?»« Non, pas très loin, » répond le jeune électeur. « Eh bien, » dit le gentilhomme au nez court, « allons ensemble, ou chez vous ou chez moi. » Cela m'est indifférent. Allons, moi je suis accommodant ces sortes de choses. Ce que j'aime dans les jeunes gens, c'est ce charmant sans-façon qu'ils ont la plupart. On voit tout de suite qu'on a affaire à un homme bien né, à un jeune homme qui a été militaire un temps. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas davantage, je suppose. Je lui dis, je vais dîner. Il me répond, allons dîner. Et voilà que nous allons dîner de compagnie. N'est-ce pas, frère ? Dit. Certainement, tu comptes sur moi. Je compte sur lui. La confiance est ce qu'il y a de plus simple et de meilleur au monde. On voit que nos deux amis, dont l'un avait bien le double de l'âge de l'autre, en sont venus bien vite au tu et au toi. C'était tantôt le nez court, tantôt le nez long qui semblait mener son camarade. Ils firent ainsi à peu près le tour de la ville. Leur logement, paraît-il, était éloigné du centre, où ils s'étaient trompés de rue. Ils n'armaient toujours pas. Le nez court dit à l'Aquilin qu'il voyait être las et ennuyé. « Conviens que tu n'avais pas l'intention de dîner chez toi, et que tu as aujourd'hui, dès le matin, donné campo à ton cuisinier. » « Bien touché. Ce que tu viens de dire est l'exacte vérité. »« Eh bien, ni moi non plus, je n'ai donné aucun ordre à mes gens. Et ma cuisine est froide. Séparons-nous. »« Au revoir. Diable emporte le vieux filou. »« Adieu. Voyez-vous ce petit gredin. » Le jeune gentilhomme resta tout un quart d'heure indécis. Il se disait « Au régiment, il y a passablement de jeunes picassiettes. » Il doit bien y en avoir, même ici. Ce vieux camard m'a vraiment fait courir sans conscience. Il faut manger pourtant. Bah, je vais aller chez notre juge. Il a sûrement dîné, lui. C'est égal. Il ne me laissera pas sortir sans me proposer au moins du thé, sinon quelque chose de plus solide. Cependant, la séance de l'assemblée n'était pas encore close. Tous ceux qui avaient su s'arranger de manière à se lester l'estomac d'un déjeuner, sans qu'on remarquât leur absence, tenez bon. À chaque proposition, beaucoup encore criaient, déclamaient pro et contra à tort et à travers. Quelques-uns, contre tout à propos, s'avisaient de demander le scrutin. Mais tous finirent par sentir l'aiguillon de la faim et furent charmés d'entendre monsieur le gouverneur ajourner à la fin des élections les délibérations à suivre sur les 7 ou 8 propositions qu'il restait encore à soumettre à l'Assemblée. Au fond, la véritable résolution finale, c'est qu'on laisserait pleine liberté sur tout cela à monsieur le secrétaire, qui, d'avance, probablement, connaissait l'opinion de monsieur le maréchal du gouvernement, et qui lui-même, plus que personne, devait avoir grand besoin de se reposer après une semblable corvée. Il y a cela de bon qu'en ces jours d'assemblées électorales, on a la faculté, sinon toujours d'obtenir des satisfactions d'amour-propre, du moins de bien faire bombance et d'avoir des distractions à ses soucis ordinaires. Il se rencontre bien peu de gentilshommes qui ne finissent par signer, sans faire aucune réserve, tout ce que le secrétaire de la noblesse leur présente. Tout ce qu'il rédige et se propose de rédiger sur plusieurs feuilles de papier, ne voulant ni mettre d'entrave à sa plume agile, ni même lui gâter l'appétit par des subtilités taquines. Notre héros se sentit, dès le soir même, infiniment mieux qu'à la séance. Il est à supposer qu'une triple portion de marinade et une bouteille de Château-Larose, très vieux, qu'il absorba pour tromper l'ennui de quelques heures de solitude, eurent en outre un effet salutaire sur son nerf maxillaire, ce qui le dispensa de poser dans le fauteuil d'aucun dentiste. Il prit son chapeau rond et un long surtout ouaté à la Palmerston, et se mit à longer quelques rues, une jolie canne de poivrier d'Inde à la main. Toutes les maisons de la ville, tous les logements bons et mauvais, les moindres chambres, les moindres pavillons de jardin, étaient occupés et encombrés. Les auberges et les restaurants étincelaient de lumière. Leurs portes étaient comme assaillies de voitures publiques et privées de toute capacité, de toute forme et de tout nom. Dans quelques salles, détonnaient intrépidement et impunément les prétendus accords d'orchestres ambulants, artistes forains, bohèmes inévitables, impitoyables et recherchés. La noblesse prodiguait son or en déjeuners et dîners excessivement dispendieux, où l'on ne voulait connaître de vin, excepté quelques clos privilégiés pour diversion, que ceux de la Champagne. D'eau que la fameuse eau de Selster naturelle. En buvant et mangeant à outrance, en prononçant des toasts d'une grande originalité, il parlait, comme versé de l'abondance du cœur, quantité de promesses de mettre des boules noires à celui-ci, à celui-là et à 10 autres. Mais à un tel, à tel autre, et surtout, surtout à l'amphitryon du jour, des boules blanches. Vaine parole oubliée aussitôt que dite. Le lendemain, les boules étaient déposées selon l'entraînement ou le caprice du moment, selon l'influence des relations ou selon le degré de force des parties qu'on voyait se dessiner plus vivement à l'approche du moment décisif. « Feu un tel, disait un monsieur à un autre au coin d'une rue, a donné à un tiers le suffrage qu'il m'avait promis le matin même encore. Il ne lui plaisait pas que j'eusse cette modeste charge. Dieu l'a puni de sa fourbe. Il est mort 5 mois après sa trahison. » « Il est sûr, répond l'autre, que sans sa volonté de Dieu, il ne tombe pas un cheveu de notre tête. Mais vous, quoi? Aujourd'hui, vous voulez être juge. Que ferez-vous dans ces fonctions ?»« Moi, je ferai d'abord ce qu'a négligé bien à tort mon prédécesseur. Préliminairement à mon installation, je sanctifierai la salle d'audience, et ce n'est qu'après avoir fait bénir toutes les parties du local que je me montrerai. Et soyez sûr que j'en ferai à ma tête, et rien qu'à ma tête. » « À votre tête ? Oui, si Ivan Fedorovitch le souffre. » « Ivan Fedorovitch n'a aucune chance d'être nommé maréchal. » « Le ciel vous entende. Mais entrons donc au café. Le serin tombe, j'ai le frisson. » « Vous êtes bien bon d'appeler cela un café. C'est une taverne, pour ne pas dire une caverne. Il y a la P.P., B.B., M.S., P.M., K.L. et 20 autres braillards qui se gorgent de vin de champagne, tandis que 3 joueuses de harpe très décolletées leur jouent et leur chantent Dieu sait quelles égrillardises. Et ces misérables, tous gens mariés, sont là qui dévorent des yeux ces drôlesses. Et figurez-vous qu'ils n'ont pas eu honte de m'inviter. Et vous ? J'ai regardé pour voir ce qui se passait là, et vite j'ai fait un plongeon. Croirez-vous que, par suite de cette orgie en permanence, beaucoup, dès ce soir, ont dû repartir d'ici pour leur village ? Ils avaient apporté de quoi vivre un bon mois et plus, en 3 jours ils ont été à sec. Et aujourd'hui, il disait que des circonstances imprévues les rappelaient vite, vite au manoir. « Ah, Pavel Ivanovitch, bonsoir !» dit Bourdakine à Tchitchikov. « Vous étiez aujourd'hui à l'assemblée ? continua-t-il en regardant fixement Tchitchikov. Oui, j'y ai passé 2 heures. J'y avais apporté un mal de dents que les courants d'air ont augmenté, au point que j'ai dû regagner mon auberge. Moi, malgré un gros rhume, je suis allée aussi à l'assemblée, mais plus tard, de sorte que je ne vous y ai pas rencontré. Figurez-vous qu'on y a fait mention de vos affaires, de vos procès. Des bêtises, enfin. Qu'est-ce que c'était donc ? Dit Tchitchikov, en feignant d'ignorer que rien dans cette circonstance avait pu se dire à son désavantage. Il a été fait mention des procès que vous avez eus, et quoiqu'on ait bien dit que vous avez été acquitté, on riait, on jasait, on déblatérait. En définitive, la noblesse ne vous veut aucun mal. Moi, pour vous soutenir, j'allais dans la salle, d'un district à l'autre, parlant, insistant, flattant, priant, promettant. Et j'ai, ma foi, réussi à souhait. Votre droit électoral a été reconnu par la majorité des voix. Eh bien, je ne me suis douté de rien de tout cela. Écoutez, entre nous, portez-vous hardiment candidat à la charge de maréchal. Votre district est, en ce moment, parfaitement disposé, croyez-moi, vous serez nommé. Je n'aspire point à ces fonctions qui ne sont pas exemptes de tracas et de déplacements, dit-il tout haut. Mais tout bas, il pensait, ce serait bien flatteur pourtant. Non ? Eh bien, Pavel Ivanovitch, c'est très sage. Ne vous mettez pas en avant. Vous êtes et resterez un homme d'esprit remarquable, non seulement dans votre district, mais dans tous les 3 gouvernements de la province. Voyez Ajmourine, que lui manque-t-il ? Les fièvres, peut-être. Car enfin, il est riche, intelligent, expert en économie rurale. Mais non, le voilà qui grille d'impatience d'être maréchal. On l'avertit qu'il n'aura que des boules noires. Il n'écoute rien. Il a bon espoir. Savez-vous pourquoi ? Voilà son calcul. Oh, c'est un malin. Les journées de demain et d'après-demain seront employées à la solution d'une foule de questions. Le 3e jour est un dimanche. Pour ce jour-là, on attend l'arrivée de gentilshommes de 3 districts. Dans ces 3 mêmes journées, beaucoup ici auront dépensé tout ce qu'ils ont apporté d'argent, aux cartes, en boissons, en ripailles et en orgies. Et alors, ils se souviendront que Zajmourine a une poche fortement matelassée de billets de crédit. Celui-ci leur prêtera aux 6 sur bonnes lettres de change garanties par les plus solvables. Et encore, fera-t-il jurer sur l'honneur aux emprunteurs de lui mettre des boules blanches ? Ça, je vous le demande, avec un groin comme le sien, aspiré au maréchalat de la noblesse. Il me fait l'effet d'un galant homme, et je ne vois pas pourquoi il en serait à acheter des voix. Eh bien, si Zajmourine est ballotté comme juge, faites-moi le plaisir de lui flanquer une boule noire. Et s'il se fait balloter en vue du maréchalat, moi, je m'abstiendrai tout à fait. Seulement, je vous en prie, instamment, mettez, pour tout le monde, excepté pour Meleki Tchentsov, à gauche, toujours à gauche. Quant à moi, le désir général m'a obligé de me porter candidat à la charge de juge. Ce sont des fonctions graves. Juger ses semblables, quand je sais qu'au jugement dernier j'aurai, moi, à rendre compte de mes arrêts, c'est terrible. Et pourtant je m'y résous, et je veux être un magistrat exemplaire, croyez-le bien. Faites cela, ce sera bien méritoire. Mais votre Meleki Tchentsov, quel homme est-ce ? Un millionnaire ! Voilà, voilà qui il faut élire ! Voilà qui sera un maréchal accompli. Savez-vous, il a promis de donner un grand dîner où il égalera tout le monde de l'étage de Hollande. Aussi, pour cela seul, on a résolu de le porter au maréchalat du district. Je connais le fromage de Hollande et j'en suis grand amateur. Ma femme l'aime beaucoup et ma fille aînée aussi. Mais le laitage, le vrai lait de Hollande, Ni moi, ni ma femme, ni mes enfants n'en avons jamais goûté. Eh bien, Mele Kitchensoff en a apporté des Pays-Bas un tonneau, un grand tonneau, et figurez-vous, dans sa voiture. C'est bien de Victor Apollonovitch que vous parlez, dit un monsieur à voix grêle qui venait de s'arrêter derrière Bourdakine. Eh oui, de Mele Kitchensoff, sans doute. Mais qu'est-ce que c'est que ce lait dont vous parlez ? Du lait, quoi, du lait, mais du lait de Hollande. Ce n'est nullement du lait, on vous a induit en erreur. Ce n'est pas du lait, mais du petit lait. Du petit lait, non pas de Hollande, mais ce qu'on appelle le petit lait d'Amsterdam. J'en ai goûté. N'en croyez rien, Pavel Ivanovitch, il ment. Eh bien, voyons si vous en avez goûté, reprit le capitaine de police. « Dites-nous quel en est le goût et quel effet il a sur l'estomac ?»« La belle question ! Le petit lait qu'a apporté Victor Apollonovitch est acide et amer, salé et douceâtre en même temps. »« Je m'en étais douté. Aïe, aïe, aïe, les farceurs ! Ils lui ont fait avaler de l'eau de mer. De l'eau, je vous dis. C'était saumâtre. Voilà. » Il faut vous dire que Mele Kitchensoff a amené avec lui de l'Occident tout un monde d'hommes, d'oiseaux, de poissons et d'objets divers. Entre autres choses, il lui a plu d'apporter, pour régaler les élèves pauvres d'un gymnase auquel il s'intéresse, de toutes petites huîtres qu'on appelle, je crois, des moules. Oh, que c'est beau d'être riche! Ces coquillages, pour rester frais, ont dû baigner dans de l'eau de mer. Et c'est de cette eau que les gens du prince, à sa demande probablement, lui auront fait goûter. Monsieur vient d'avaler, avec grande curiosité, une grande jatte d'eau de mer, cuillère à cuillère. Voilà comme il connaît le lait de Hollande. Allez donc, mon cher. Allez donc vous-même. Est-ce que la douane laisserait passer de l'eau de mer? Mais pourquoi pas? C'est pour mon usage. Le médecin m'a prescrit l'eau de mer pour boisson. Je ne peux pas boire autre chose. La douane laisse passer. Elle doit laisser passer. C'est peut-être comme vous le dites, soit. Mais parlons affaires sérieuses. Avez-vous su qu'ils veulent, à l'Assemblée, me balloter comme assesseur du tribunal de district? Voilà qui m'est désagréable. Oh, mais désagréable! Je les ai priés, suppliés. Non, ils ne m'écoutent pas. Ils me feront nommer les malheureux. Qu'au moins vous... poursuivait le buveur d'eau de mer, qui tout à coup tira le capitaine de police un peu à l'écart pour lui dire « Et qui est ce monsieur qui est là avec vous ?»« C'est Pavel Ivanovitch Tchitchikov. Il dispose de 2 voix et en tient 2 autres encore en réserve. « Veuillez permettre, monsieur, » dit à Tchitchikov d'un ton mielleux le candidat à la charge d'assesseur, « que je me recommande à vous. Je suis le secrétaire de gouvernement Tchérine. Mes terres sont de votre district. Je suis voisin de monsieur Bourdakine. » Et il marchait à côté de Tchitchikov. « Très flatté, monsieur, » répondit Tchitchikov tout en continuant de marcher devant lui. Je n'ai pas eu jusqu'à ce jour la hardiesse de me présenter à vous. Excusez-moi de vous accoster ainsi avec une prière. Quand on me ballottera, je m'appelle Tchérine, quand on me ballottera, mettez à gauche, je vous en prie, à gauche. Sans doute, je serai tout à fait, en toute occasion, aux ordres de la noblesse. Je n'aurai d'autre ambition que de complaire à tout gentilhomme des nôtres. « Mais c'est égal, vous m'obligerez, et beaucoup si vous mettez à gauche. »« Si les autres qui vous connaissent vous jugent digne de la place d'assesseur, je ne voterai pas pour vous autrement que la noblesse du district. Je mettrai à droite si l'on met à droite. »« Comme il vous plaira, mais recevez l'hommage de mon respectueux dévouement. » Après avoir dit ces mots, le solliciteur courut solliciter ailleurs. Tchitchikov regarda à droite, à gauche. Il ne le vit plus. « Qu'est-ce que c'est que ce Tchérine, votre voisin de terre ? un passé maître à la préférence. Oh là, il ne craint aucun grec, quel qu'il puisse être. Alors, il est un peu... Je vous garantis qu'il est très fort. Mettez-lui une boule noire, bien noire, et à Kostliakin aussi une noire. Quel est ce Kostliakin ? Un propriétaire, rien de plus. Je voulais marier à sa fille un frère de ma femme, un joli garçon qui venait d'être promu lieutenant, et à qui déjà on promettait une compagnie. Kostliakin a eu l'effronterie de répondre à la demande du jeune homme. « Commence par avoir la compagnie, et alors viens me faire ta proposition. » « Conçoit-on un animal pareil qui refuse de s'allier avec moi ?»« À Wirkin aussi, mettez à gauche. » »« Quant à Erebnikov, prenez garde, c'est un furet, défiez-vous. Mettez à gauche. » »« À Kraplin, il faudrait bien aussi une boule noire. » Au reste, pour lui, faites comme vous voudrez. Attendez, j'ai encore deux amis, Ivan Telkin et Pierre Telkin, deux cousins, à l'un desquels je vous conseille beaucoup de mettre à gauche. Comment saurais-je auquel il faut être contraire? Je vous ferai signe, je lèverai l'épaule droite, voyez, comme ça. Vous, alors, faites et mettez à gauche. Pourquoi pas à droite? Vous levez l'épaule droite, c'est donc à droite qu'il faut mettre. Eh non, je lève l'épaule droite, justement pour qu'on ne devine pas que nous nous entendons. J'aurais bien du mal. Vous m'avez donné coup sur coup 7 ou 8 personnes. Non, vrai, je crains de ne pouvoir vous être agréable. Est-ce que vous voudriez me rendre service? Je le désire beaucoup. Eh bien, écoutez. Chaque fois que vous recevrez vos boules de la main du maréchal, remettez-les-moi. Je les déposerai d'après votre désir, ainsi que l'exige le serment, la conscience et l'honneur. Vous voulez mettre à gauche? Fermez un œil ou froncez le sourcil, mais de l'œil droit, entendons-nous bien, et le tour sera fait. Bien, nous verrons. Bonne nuit, Pavel Ivanovitch. Adieu. Qu'est-ce qu'ils ont donc tous? Pensait Tchitchikov en rentrant dans sa chambre d'auberge. Pourquoi est-ce qu'ils s'agitent ainsi? À chaque pas, vous ne voyez que mensonges, fraudes et hypocrisie. Les élections, comme privilège donné à la noblesse, sont utiles à beaucoup d'égards. Mais on voit dans la pratique, dans l'exercice de ce droit chez nous, une foule de circonstances qui mettent à nu un peu trop de perfidie et de malignité. Je n'ambitionne aucune charge, certainement aucune. Je ne suis venu que pour me distraire de mes occupations de propriétaire, et je ne trouve ici que des objets attristants. Au lieu de rester ici plus longtemps, je ferais beaucoup mieux d'aller m'occuper un peu plus du bien-être de mes paysans, de l'éducation de ma jeune famille, et de tant de choses qui peuvent m'être positivement utiles et servir aux miens après moi. Il faut enfin être sincère. C'est toujours cette maudite ambition, ou plutôt cette mesquine vanité qui m'oppresse le cœur, après s'y être insinué comme un serpent. Il est trop vrai. Je voudrais être nommé maréchal de la noblesse de notre district. Il se trouve que c'est justement le but des désirs de tous les nobles, et que de là naissent tous ces partis, toutes ces intrigues. À chaque minute, quoi que je dise et fasse, il semble que quelqu'un me pousse et me crie aux oreilles « Pose ta candidature, essaye, essaye, peut-être réussiras-tu. » Il y a tel malheureux qui a sapé lui-même toute sa fortune afin de réunir chez lui la noblesse. Il se ruine, lui et tous les siens, par des dépenses extravagantes. Il ne se rebute pas, et toujours il veut être nommé maréchal, malgré les affronts et les déconvenues. Il y a cette année bien des aspirants pour si peu de charges à répartir. Ne devrais-je pas remettre ma candidature aux élections suivantes? Mais non, 3 ans, ce sont 3 siècles. Serais-je valide? Serais-je même vivant dans 3 ans? Je voudrais pouvoir servir comme maréchal. 8, 9 mois, 1 an au plus. Puis je donnerai péremptoirement ma démission. De cette manière, ce serait bien. Oh, que j'aurais de plaisir à signer, de mon écriture si nette et si ferme, sur des lettres de noblesse ou sur une circulaire adressée à tous mes nobles électeurs. » Tchitchikov se préoccupa tellement de cette dernière idée que, sans penser, il mit devant lui une feuille de papier, saisit une plume et écrivit d'un jet, d'un trait magistral ininterrompu. « Le maréchal de la noblesse, Tchitchikov. » Après quoi, il regarda autour de lui, puis il tordit en spirale le papier, le brûla à la lumière de sa chandelle et pensa, en ôtant ses habits, « Misérable créature que l'homme! Après tant de tempêtes, je suis entré dans un havre de salut. Mais mon cœur et mon imagination m'y ont suivi, et, faute d'agitation réelle venant du dehors, je me crée, par la fantaisie, des sujets d'irritation et de fausses espérances qui ne me permettent point de goûter les douceurs du repos. » Il s'écoula 3 jours, et les bruyantes élections des districts furent ouvertes. Ce jour-là, dès le lever du soleil, les rues furent sillonnées par les allées et venues de toutes sortes d'équipages, remplis, la plupart outre mesure, de membres de la noblesse du pays, en grand babil d'ordonnances. Ils allaient, quelques-uns modestement à pied, les uns chez les autres, et, quand ils se rencontraient entre gens à peu près sûrs les uns des autres, ils descendaient de voiture ou s'arrêtaient, et s'embrassaient. On en voyait se saluer de distances fabuleuses. Les plus flatteuses espérances se dessinaient sur ces figures posées dans de hauts faux cols blancs, très empesés. Ce mouvement éveilla Tchitchikov longtemps avant l'heure ordinaire de son lever. Il courut à sa fenêtre et s'amusa à regarder une énorme britchka qui, attelée de 2 chevaux à longs poils mal étriés, traînait avec peine 5 gros gentilshommes en grand costume. « Des généraux, ma foi, tous généraux aujourd'hui. C'est une véritable invasion de généraux, » dit-il. Puis, s'étant lui-même paré de son grand habit de gala, il étudia 2 ou 3 poses nobles devant la glace, et les bras croisés sur la poitrine, la tête haute, mais légèrement incliné de côté, il dit avec une grande assurance et assez haut. « Les autres, je ne sais, qu'on nous voit et qu'on juge. Il y a sans doute dans cette foule bigarrée des gens d'esprit civilisé, riches, beaux de leur personne. Mais moi, moi seul peut-être, je réalise ici l'idée du général américain. » Et des larmes de tendresse égoïste et de vague inquiétude baignèrent les joues vermeilles de notre héros. Il se dit alors, « Seigneur Dieu, que se passe-t-il donc en moi? Et pourquoi ces larmes? C'est ma maudite ambition qui pleure, sachant ne pouvoir être satisfaite. Cette ambition, c'est un ver né avec mon cœur, qui se sature de mon sang, vit de moi, en moi, et ne mourra qu'avec moi. La maudire, c'est me maudire moi-même. » Tchitchikov monta en voiture et se rendit à l'assemblée. Dans le trajet, il fut regardé, car il n'était pas de ceux qui n'ont jamais une pensée sur le front. Il fut remarqué par le populaire surtout, parce qu'il distançait, non pas seulement les piétons, mais toutes les autres voitures. La moitié de la rue et les 3/4 de la grande place étaient encombrés d'équipages. Les gendarmes avaient une peine infinie à calmer l'exaltation des automédons, tatars ou mongols, qui, du haut de leur siège, mènent encore, comme cocher du moins, le patriciat russe, où ils figurent tant de leurs anciens princes, et dominent de tout leur corps le reste de la population. Le vulgus, le pêle-mêle des nobles, des artisans, des commis, des bourgeois et des rustres. « Hé, toi, là, le gros barbu, à gauche, et ne quitte plus la file. Eh bien, est-ce que tu ne m'entends pas ?» disait un de ces dompteurs du désordre, de ces Saint-Georges en uniforme bleu de ciel, vulgairement appelés gendarmes ou dragons bleus. « Nous savons ce que nous savons, » répliquait le fils de Mamaï, interpellé. Nous avons mené à Moscou et à Pétersbourg, et tu ne nous feras pas grand beurre, camarade. » Allons, allons, pas de raisonnement, à moins que tu n'aies le goût des coups de plat de sabre. » Mais essaye voir. Mon maître qui est là-dedans est déjà aux trois quarts élu maréchal. Et toi, manant éperonné, tu viens devant nous trancher du grand maître de police. Toi, quel oiseau es-tu? Nous autres, nous avons notre couvert mis chez le gouverneur. Mon maître lui dira « Fini, écoute, laisse-moi. Finiras-tu enragé? Je vais quitter le siège et chevaux et voitures. Comment oses-tu frapper ?» Se retournant vers son maître, « Monsieur ! Hé, monsieur !»« Là, c'est bon, je ferai ce que tu voudras. Par où veux-tu que je rentre à présent dans la file? Finiras-tu de me tarabuster? Vois comme tu as arrangé mon checkman qui est à mon maître. On bat, on maltraite les gens. » Plusieurs gendarmes eurent de petits apartés de ce genre sur plusieurs points. Les autres établissaient, maintenaient et dirigeaient la file jusqu'au Auvent, d'où jusqu'au lieu marqué pour le stationnement général. Ce corps d'élite est vraiment admirable dans ses opérations et dans ses collisions, où l'orgueil des maîtres s'empare des domestiques. Prompt à le centupler pour s'en faire honneur les uns aux yeux des autres. Dominé à tous les degrés, c'est la passion universelle. À peine Podgrudzdef fut-il dans la salle que le ballottage commença. Les premiers mots qu'il prononça ayant été pour proclamer son désistement définitif de la charge et de toute candidature, on ballota tour à tour trois candidats qui s'étaient en quelque sorte présentés eux-mêmes et qui furent écartés par les boules noires. Une foule compacte s'avança pour faire balloter Melekhitchensov. Mais l'immense majorité, mécontente, remarqua que, pour le district qu'avait représenté Podgrudzdef, il n'y avait pas à opposer à Melekhitchensov un seul gentilhomme qui eût pour lui quelque chance. Tchitchikov se tenait modestement adossé à une colonne, et le ver rongeur de l'ambition lui faisait de cruelles morsures. Tout restait suspendu depuis quelques minutes, faute de ce concurrent à opposer au riche candidat. Déjà, Melekhitchensov jetait de tous côtés des regards protecteurs et triomphants à ses suffragants, et une tendre œillade au siège curule du maréchalat. Notre héros pensait « Oh, mille fois mieux eussé-je fait de reprendre le cours interrompu depuis 10 ans de mes visites à la parenté de Betrichev que de venir ici, me soumettre à la torture. J'ai beaucoup souffert dans ma vie, mais j'ai pourtant joui de quelques jours heureux. Ceci est ma plus rude épreuve. Ne ferais-je pas bien d'aller poser moi-même carrément ma candidature? Grand Dieu! Quoi, pas une bouche ne viendra s'ouvrir devant moi et me dire seulement « Ne vous plairait-il pas ?» Qu'on me parle après cela de mon grand air de général d'Amérique. Je me suis laissé prendre à une raillerie de tailleur. Voyez si un seul viendra. Oh, âme morte, âme morte, vous m'avez enrichi sans m'élever. Et c'est vous à présent qui achevez de m'abaisser et de me perdre. » Tchitchikov délirait. Il était vraiment au désespoir, quand tout à coup, trois gentilshommes de son district allèrent à lui et lui proposèrent de se porter candidat. Notre héros ne put d'abord répondre, tant il était saisi. Puis il hésitait, et ce n'est qu'au bout de quelques minutes qu'il put dire, avec quelque résolution, ces honnêtes et pathétiques paroles. « La providence divine, en m'envoyant par votre organe un honneur inattendu, semble vouloir me rendre facile l'oubli de toutes les injustices que j'ai souffertes dans le pèlerinage de ma vie. Messieurs, vous ne pouvez ignorer que mon existence a trop longtemps ressemblé par là à la situation d'un vaisseau battu par les tempêtes. Vous voulez me mettre au gouvernail du vaisseau de vos intérêts? Vous faites peut-être trop de cas du peu de sagesse que peut m'avoir donné l'expérience. Je vois ici une occasion de dévouement. Je ne balance plus, ordonnez de moi. » Là-dessus, il versa quelques larmes et pétrit des deux mains son chapeau à cornes. Puis, évidemment très agité, il passa dans un salon attenant à la grande salle. Il fut aussitôt procédé au ballottage des candidats, et cette opération dura peu de temps. Aussitôt le ballottage terminé, il s'éleva de toutes les parties de la salle un grand cri général qui laissait distinctement entendre ces mots. « Nous vous félicitons !» C'en est fait, pensa Tchitchikov en essuyant son front tout moite de l'effet du saisissement. « Les honneurs sont venus à moi et mon cœur est soulagé d'un poids immense. » Et sa démarche, quand il rentra dans la salle, montrait quel vif sentiment il avait en ce moment de sa dignité personnelle. « Messieurs, dit-il à toute cette foule qui le regardait passer, je vous remercie cordialement d'une élection qui ne peut que me flatter à tous les points de vue. Mais j'ai plusieurs raisons pour vous prier, pour vous adjurer de m'exempter de cette noble charge, au moins pour 3 ans, afin que je puisse jeter de plus profondes racines dans une contrée dont le suffrage me sera toujours si précieux. » Pavel Ivanovitch, après avoir parlé ainsi, inclina légèrement la tête vers l'épaule gauche, rapprocha ses deux mains de sa poitrine, et il attendit les faits. Un prince, Chigrin, homme de très haute taille, connu pour ses grands coups d'assommoir et qui se trouvait à 10 pas de Tchitchikov, dit alors d'une fort belle voix de baryton. « Monsieur Tchitchikov a tort de s'inquiéter ainsi. Messieurs, ayez donc la charité d'expliquer à monsieur Tchitchikov qu'il est élu 3e ou 4e candidat, et qu'il est, non pas seulement pour 3 ans, mais pour 15 ou 18 peut-être, dispensé de la charge dont il s'agit. » Le prince Chigrin n'était pas un concurrent, il ne pouvait pas, il ne voulait pas être maréchal. Mais il ne pouvait souffrir qu'on voulût l'être sans être prince, ou du moins triple millionnaire. Mais les Kitchensov chercha vainement et fit chercher Tchitchikov, qu'il voulait engager à dîner, et régalé d'un plat de lettres de hareng de Hollande qu'on ne pouvait trouver qu'à sa table. Tchitchikov avait disparu de la salle. 3 heures après, il prenait le thé dans une maison de relais, à 21 verstes de la ville, et il écoutait l'ouverture de l'Odoïska, exécutée par une tabatière à musique, laquelle faisait, depuis 25 ans, les délices de l'inspecteur de cette station de poste. Notre héros envia beaucoup cette modération d'un homme simple et bon, qui, pour se rendre heureux, n'avait qu'à fouiller dans sa poche et pousser un tout petit bouton de cuivre. « Et moi, pensa-t-il, que me manque-t-il pour être heureux? Rien de ce qu'un homme peut raisonnablement désirer. Maudite vanité, que veux-tu donc de moi ? Mais la leçon que je viens de recevoir doit à la fin m'apprendre à contenir l'élan de mes aspirations ambitieuses. » Tel est l'ordre de pensée dans lequel il était en se remettant en route et en rentrant au sein de sa nombreuse famille. Il était marié depuis 12 ans et avait 11 enfants, qui, heureusement pour eux, ont toujours été les enfants les plus heureux et les plus libres du monde. Et nous n'en dirons pas autant des 1400 familles de serfs dont il était maître et seigneur, et pour qui on ne peut affirmer qu'il ait toujours eu des entrailles de père. Les seuls envers qui il ait été constamment porté à l'indulgence passive, ce furent Selifan et Petrouchka. Ils moururent peu de temps après la grande déconvenue des élections de la noblesse, peut-être par suite du chagrin profond que leur causa la préférence, plus apparente que réelle, accordée par Tchitchikov aux cochers et aux valets de chambre qui avaient suivi leur maître à la ville. Il avait, comme seigneur, certains principes dont il ne se départait point. Méprisant les délations et les délateurs, il ne punissait jamais que les fautes dont lui-même était témoin, ou dont il avait personnellement à souffrir. Mais alors, il punissait rigoureusement, sans beaucoup délibérer sur le degré de gravité du délit. Un fourbe, un voleur, un ivrogne, un libertin n'avaient qu'à éviter de jamais se trouver sur sa route pour être à ses yeux parfaitement innocents, quelque détestable que pût être leur réputation. Mais qu'un de ces paysans lui ait fait un mensonge, qu'un autre ait passé près de lui, sortant de son bois une charge de broutilles sur le dos, qu'un troisième, en lui répondant, ait fait devant lui un hoquet alcoolique, qu'il en ait aperçu un quatrième, courtisant d'une manière lascive quelque villageoise, peut-être sa fiancée, mais n'importe, tous quatre étaient impitoyablement condamnés à passer par les verges. Il laissa à fort peu de paysans les moyens de parvenir à l'aisance. Cependant, quelques-uns, malgré les 1000 obstacles inhérents à leur condition de serfs, devinrent positivement riches et sollicitèrent de lui leur manumission moyennant finance. Il refusa constamment, sans donner la raison de son refus, et il ne consentit même jamais à ce que leurs filles épousassent des affranchis. Avoir des sujets, les maintenir fermement sous sa domination, augmenter le plus possible le budget des recettes de son gouvernement, propre et privé, telle était désormais sa seule ambition. Les points de vue d'équité, d'amélioration sociale, de morale universelle, de propagation des lumières, d'émancipation intellectuelle, le touchaient infiniment peu. Il ne faisait même que l'attrister, comme étant, si ses billevesées venaient à prendre faveur dans le public, d'un assez mauvais présage pour sa postérité, qu'il croyait bien avoir créée à son image et ressemblance. Il était abonné à quelques journaux, gazettes et publications illustrées, parce que toutes ses feuilles se rencontraient dans les salons de réception de ses voisins. Mais il ne chercha jamais à se rendre compte par elles des besoins, de l'esprit général, du courant des idées, des aspirations de la nouvelle époque. De tout le contenu habituel du Journal des débats, par exemple, il ne souffrait qu'on parlât en sa présence que de la rubrique « Cour d'assises ». Et à tout coup, il disait « À quoi bon des tribunaux ouverts au public? Pourquoi donner ce nom de public aux populaires? Et à quoi bon publier encore dans les gazelles toutes ces horreurs qu'on entend dans les tribunaux ?» Et plus souvent encore, il s'écriait « vous voyez quelles abominations il se passe journellement dans les pays de l'Occident ?» Et il y a des fous qui voudraient européaniser la Russie, quand au contraire, c'est bien à l'Europe, pour son salut, de se russifier comme elle pourra. Sinon je lui prédis qu'elle périra prochainement dans l'impénitence finale. Le devoir le plus considérable qu'il remplit à l'égard de ses 5 fils aînés, ce fut d'aller successivement les accompagner à Moscou et à Saint-Pétersbourg pour installer les uns dans le service public, armée, finance, justice, marine, intérieur, les autres, plus jeunes, dans différentes maisons d'éducation. Cela fait, ils recevaient et décachetaient leurs lettres, en parcouraient le commencement et la fin, les jetaient ensuite sur la table et laissaient à sa femme le soin d'y répondre. Il revoyait ses fils, tour à tour, avec quelque plaisir quand ils venaient en congé, et il les renvoyait avant l'échéance du congé, beaucoup plus pourvus d'argent que de bénédictions senties. De leur part, ceux-ci retournaient sans regret, l'un à son régiment, l'autre près du général dont il était aide de camp, le troisième à sa chancellerie, le quatrième à son vaisseau, les autres à leurs écoles. Quant à ses filles, il ne comprenait pas qu'il leur eût fallu autre chose que des rubans et des leçons de danse d'abord, et dans la suite, autre chose qu'une dot et un trousseau. Le district eut du malheur dans la personne de ses maréchaux. Dans moins de 2 années, il en perdit 3. Milekitchensov mourut d'indigestion. Le comte Nouline d'une chute de cheval. Et Kotsliakine d'une rougeole rentrée. D'autres disent du choléra. De sorte que Tchitchikov dut être au comble de ses vœux. Il se vit appelé aux honneurs de l'intérim du maréchalat, et il fut considéré comme un digne représentant de la noblesse locale, excepté par les hobereaux, impatients de toute supériorité, et qu'à l'exemple du prince Tchigirin, leur chef de file, on n'a jamais pu trouver content de rien ni de personne. Un intérim, c'est ce qu'il voulait. Moins d'un an après, il fut confirmé pour 3 ans, et il se laissa faire. Les plus assidus à sa table et à ses fêtes, nous ne les désignerons pas, on les devine. Les mécontents? Justement, et Tchigirin en tête, toujours. Le riche Melekitchensov, en mourant, avait institué Tchitchikov son exécuteur testamentaire et co-tuteur de ses 2 fils mineurs. Tout cela lui pesa fort peu et lui valut de grands avantages grâce à sa manière large de comprendre et d'exercer ses devoirs. Il y avait chez lui excessivement peu du « citoyen » et en revanche beaucoup du grand seigneur, fils de ses œuvres, du grand seigneur de province de l'ancien modèle, 100 ans. Sa femme prit une habitude qu'il ne remarqua point et qui passait généralement pour un tic. Elle soupirait, sans fin ni cesse. Chaque soupir, précédé d'un léger bâillement, était suivi d'un sourire de contenance, et chaque sourire, de grandes ombres fugitives qui passaient sur son front comme des nuages d'automne. Dans le secret de son cœur, elle gémissait de toutes ces nouveautés successives qui la condamnaient au personnage de grande dame, et la forçait de déléguer à des suivantes la tenue du compte de ménage, la surveillance de l'office, des buffets et des caves, et le soin de confectionner, manu propria, toutes sortes de ratafias et conserves, dont il se faisait désormais une consommation inouïe dans la maison. De son côté, notre héros, ayant le cœur bien autrement haut que sa fortune, n'était nullement satisfait. Avec ses cheveux d'un blanc d'albâtre, son maintien droit et calme, ses joues fleuries, son nez aristocratiquement fin et transparent, et son regard fluide, avec la manière noble et généreuse dont il faisait les honneurs de chez lui, les jours de gala et de grandes fêtes, il pensait que la noblesse du pays ne lui rendait pas justice exactement dans la proportion de ses mérites, et qu'aux élections qui eurent lieu 11 mois après son exaltation, on aurait dû, au lieu de le confirmer pour la triennalité suivante maréchal de son district, l'élire maréchal de gouvernement. Cette promotion méritée n'aurait pas eu pour effet unique de ramener triomphant au chef-lieu, mais de lui ouvrir à Pétersbourg les portes du palais des tsars, et d'attacher peut-être à son uniforme de maréchal certaines clés d'or qui rend accessibles les charges de maître et de grand maître des cérémonies. Tchitchikov cependant garda sa pensée, et, trop fier pour bouder comme un sot, il se recueillit comme un sage. Seulement ses regards se portaient sans cesse sur les murs, les parquets et les plafonds des principales pièces de son manoir. Et il trouvait tout cela bien nu, bien mesquin, bien pauvre, comparé aux merveilles qu'il avait entrevues au Kremlin de Moscou et au palais d'hiver de la nouvelle capitale. Avec tant de grandes qualités, notre héros assurément nous dispense de rien dissimuler. Il avait l'âme élevée et l'esprit vif, pénétrant et juste. Mais son cœur, souvent si fort, n'était pas exempte de quelque faiblesse. Il craignait tout contact avec les étrangers, à cause premièrement de leur manie de juger un pays qui ne veut pas leur être connu. Deuxièmement, de leur détestable amour des nouveautés, sous le nom de progrès. Troisièmement, de leur stupide principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi. Ce seul mot de citoyen, appliqué à la roture, à des paysans et même à la classe des artisans et des marchands, lui paraissait d'une absurdité révoltante. La loi, selon lui, est une machine dressée et maniée par les nobles, et qui fonctionne pour les nobles, ayant à leur tête le tsar, qui, à son éternel honneur, est le premier gentilhomme de l'Empire. L'égalité n'est qu'un vieux fantôme évoqué par les mal intentionnés du fond des ruines des fabuleuses républiques de Pskov et de Novgorod, à l'instigation des philosophes d'Allemagne qui déjà ont asphyxié la Pologne dans les vapeurs de leur sagesse politique. Aussi Tchitchikov avait-il, à l'égard des étrangers d'Europe, des sentiments et des procédés tout à fait chinois. Il manquait consciencieusement à tous ses engagements envers l'anglais, le français, le suisse, l'allemand et l'italien, uniquement pour bien faire sentir à ces gens-là qu'un traité, un engagement formel pris à leur égard, n'était pas un contrat qui pût lier le russe. S'il cédait enfin, ce n'était que sur les instances de ses pairs de noblesse. Et encore, s'acquittait-il à sa manière, et en faisant bien sentir qu'il agissait par respect de lui-même, et non en vertu de prétendus engagements qui n'étaient et ne pouvaient être qu'une fiction. Et s'il recherchait leur savon de Paris, leur eau de Cologne, leur toile de Hollande, leurs couteaux et rasoirs de Sheffield, leur truffe du Périgord, leur pâté de Strasbourg, leur vin de Champagne, leurs draps de Sedan et leurs tapis d'Aubusson, il aimait bien mieux tenir ces objets des Juifs de Pologne que des Français, des Italiens, des Anglais et des Allemands. Il aurait volontiers employé des Juifs de Russie blanche pour enseigner à ses fils les langues et les littératures de ces quatre nationalités. Il aurait aimé un opéra italien tout composé de chanteurs d'Ukraine, un théâtre français d'acteurs natifs de Simbirsk et de Tobolsk, un théâtre allemand de Kalmouk et de Kirghiz-Kaïsak. Un des traits les plus caractéristiques de la haute personnalité de notre héros était le patriotisme grand-russien le plus exclusif. Il admettait parfaitement l'imitation comme simple marque de l'aptitude universelle de la nature moscovite. Il n'admettait pas l'imitation du génie étranger. Il repoussait jusqu'à l'ombre d'une association, affiliation quelconque. Introduire un Français, un Anglais, un Suisse, un Belge dans les conseils du gouvernement eût été à ses yeux la même énormité que d'appeler un renard, un loup, une hyène, un requin à la direction d'une volière, d'une bergerie, d'une ménagerie ou d'un grand lac national, tels que le Ladoga ou l'Onega ou l'Yémen. Un juif à la bonne heure, car avec celui-là, s'il ne marchait pas droit, on n'hésiterait pas à le diriger sans bruit vers ces vastes contrées orientales de l'Empire, où le besoin de bras se fait de plus en plus sentir pour l'exploitation des mines que recèle la grande chaîne de la frontière chinoise, là où l'Occident n'a absolument rien à voir. Politique, diplomatie, administration intérieure, justice, hommes, choses, défauts, préjugés, vices, abus nombreux, variés, universels, il acceptait, il protégeait, il adorait tout, tout ce qui était en Russie, tout ce qui était russe, parce que c'était russe, parce que cela existait au profit de la noblesse dans son pays. Parce que, à travers tout cela, la Russie habile, en dirigeant bien la barque de ses convoitises, pouvait, même sans talent particulier, sans génie, sans services illustres, arriver à la noblesse, à la fortune, aux honneurs, et rêver même les plus grandes dignités. Et que les vices, les torts, les crimes, les anomalies et les fréquentes contradictions d'un état de choses où tout le monde croit au mal et personne à la loi, avaient à ses yeux leur bon côté pour les ambitieux, et en tout cas le droit de prescription. Que 30 millions de familles, serfs et bourgeois, restassent immolés aux jouissances douteuses, à l'existence de luxe barbare et de fantaisies insensées, souvent sauvages, de 300 000 satrapes, appuyés sur 1 million de hobereaux corrompus et flanqués de 3 ou 4 000 nababs juifs, grecs ou mongols, ils n'y voyaient pas d'inconvénient pour la patrie. Tels étaient les textes les plus ordinaires de sa conversation les jours d'expansion, au dessert de ses banquets les plus splendides. Et il est à remarquer que, chez lui, Tous les jours qui séparaient ses heures de vie à la Potemkin étaient des jours de mort, c'est-à-dire d'affaissement, voués à un silence de trappiste et à la plus stricte économie. Tchitchikov, au bon temps de ses expéditions, avait rêvé fortune, jolie femme, élégante retraite, somptueux équipage, nombreuses progénitures, défrichements, bon aménagement des bois, prospérité agricole, bonheur de ses vassaux. Tout, sauf le bonheur des vassaux, sauf ce dernier point, qui, au fait, n'avait été mis en compte que comme les pièces de dessert toujours intactes des dîners de Vauxhall sur les grandes lignes de chemin de fer. Tout lui avait réussi à souhait et avait même de beaucoup dépassé son attente. Mais, si on lui eût demandé jusqu'à quel point sa femme et ses cinq fils aînés partageaient l'ordre habituel des pensées de sa vieillesse, il eût été, nous en convenons, fort embarrassé de le dire. Car, s'il avait quelques moments d'épanchement avec la noblesse convoquée à ses festins et à ses fêtes, il n'en avait jamais dans le cercle de son heureuse famille. « Ma famille, aurait-il pu dire, doit m'aimer et m'honorer parce que je suis son chef, comme j'aime ma patrie, comme j'aime et honore le tsar, parce qu'il est mon chef et mon maître. L'empereur et moi, nous ne nous demandons pas plus compte de nos opinions que de notre affection mutuelle, nous ne nous connaissons même pas. Il en est de même de mes fils à moi, ils ont l'honneur d'être mes fils, je ne les laisse manquer de rien, comme c'est mon devoir de père et de gentilhomme. Après cela, quelle nécessité que nous nous connaissions !» Il y a gros à parier qu'à l'heure qu'il est, Tchitchikov n'est plus de ce bas monde. Nous supposons qu'il aura suivi, matériellement parlant, dans la tombe, son illustre poète, son Homère, le bon et pieux Nicolas Gogol. Nous pourrions consulter sur ce point historique son ingénieux secrétaire, M. Vastchenko Zakartchenko. Mais à quoi bon? Qui sait ce que sont devenus, à la fin de leur vie, Ninus, Romulus, Bélisaire, la mère du pieux aîné, et le prince André Kourbski, prince d'Yaroslav, du sang de Rurik? Cependant, notre devoir d'impartial historien exige que nous rapportions, sur ce triste sujet, ce qui nous en est revenu, sans pourtant rien garantir et sans y attacher plus d'importance que ne méritent les conjectures d'un public idolâtre, qui s'en fait aujourd'hui un objet de distraction. Plusieurs soutiennent qu'il vit encore et que, tout octogénaire et caduque que soit cette noble personnification de la vieille Russie, elle semble se porter encore à merveille. Ils racontent à mots couverts, à l'oreille de qui veut l'entendre, que Tchitchikov est, dans sa province, le chef secret, l'âme vivante de la vénérable faction qu'on appelle le Parti des Immobiles, qui plaide gravement, mais à outrance, dans leur conciliabule, pour que l'on n'aille pas, sous le spécieux prétexte de réparation à faire à une classe tenue pendant plusieurs siècles en interdit, et de progrès éclectiques en civilisation humanitaire, sociale et chrétienne, démolir imprudemment toutes les parties à la fois de l'édifice d'un gouvernement national, lequel peut avoir ses défauts, mais qui a pour lui la sanction du temps. Selon ce parti, il ne faut faire, ni laisser faire, aucune de ces révolutions maudites qui violentent le passé, bouleversent l'avenir et le livrent aux aventures. Tchitchikov, il faut lui rendre cette justice, comme fils, comme neveu, comme écolier, comme paroissien, comme scribe, comme employé, comme greffier, comme douanier, comme associé des fils d'Israël, comme intendant de seigneur, comme gentilhomme voyageur, comme spéculateur, comme prisonnier en deux circonstances, comme amoureux, s'il l'a jamais été, même en imagination, comme administré et justiciable, comme propriétaire terrien et possesseur de serres, comme électeur de magistrats, comme éligible raillé, comme élu par nécessité, n'a jamais proféré un mot de récrimination contre aucun homme, ni contre aucune partie de l'ordre légal ou extra-légal établi dans son pays. Douane, finances, églises, organisation de l'armée, de la marine, de la justice, des prisons, traitement des fonctionnaires et commis, instruction publique, police, servage des masses, simonie générale, il n'a jamais rien contrôlé. Il a tout accepté, tout approuvé par son silence et par sa soumission. Et pourtant, le lecteur l'a vu, notre héros a horriblement souffert jusqu'à l'ère de son mariage, ce qui ne l'a pas empêché de devenir maître d'une fortune considérable, homme d'ordre et maréchal de la noblesse de son district, et de jouir dans sa verte vieillesse de l'estime et de la considération générale. Tourner tous les obstacles et se servir en tout temps et partout du mal même pour son plus grand bien, là, croyons-nous, est le secret de toute sa politique particulière, qui aura le mérite, aux yeux de bien des gens, d'être éminemment pratique. Hélas, les générations se suivent comme les jours, et comme les jours ne se ressemblent pas. Toute la jeune famille de Tchitchikov, surtout depuis l'époque injustement oubliée de l'oukaz relatif aux laboureurs libres contractants, est très notoirement acquise à toutes les grandes réformes, si libéralement préparées par un gouvernement tutélaire et vraiment paternel. Et leur mère, dans le secret de l'intimité, reconnaît volontiers avec ses enfants cette simple vérité morale, que de monstrueux abus, pour être anciens et tenaces, n'en sont pas plus respectables. Si l'on veut bien nous pardonner notre partialité pour l'idée réformatrice qui brille aux yeux de la génération moderne, nous proclamerons, en retour, que Tchitchikov était un des héros les plus parfaits, un prototype de la génération qui a fait son temps et semble devoir disparaître prochainement. Nous irons jusqu'à soutenir que notre héros n'est point mort, qu'il n'est pas possible qu'il meure ainsi sans faire amende honorable, qu'il n'est pas d'ailleurs de ces hommes qui meurent tout entiers et qui tombent tout d'une pièce dans les abîmes de l'oubli. Nous proclamerons qu'il est, qu'il doit être immortel. Et sans cela, à quoi servirait donc la poésie? À quoi servirait l'histoire? Nous dirons qu'il est devenu l'objet d'un culte mystérieux et qu'il a un autel dans le cœur de tout russe partisan, plus ou moins avoué, de la Russie liberticide Johann le Terrible, du destructeur de Pskov et de Novgorod la Grande. Nous dirons tout cela, mais nous ne permettrons pas à notre admiration pour les exploits du père de nous aveugler sur les vertus si différentes des fils, qui comprennent et proclament à l'envi que le bien général doit faire taire tous les intérêts privés, et que le bonheur, que l'honneur d'un peuple entier ne peut être le fruit que du sacrifice. Le russe, non seulement est foncièrement chrétien catholique, mais il a même tous les instincts du génie de l'initiation. Quelle apparence donc qu'il s'accommoda plus longtemps d'un esclavage mal déguisé au centre de son pays et d'un système semi-païen qui est la seule cause de son malaise physique et moral, d'un système qui est un obstacle à la marche féconde de l'humanité en progrès.